Mesdames, messieurs, si on est 20 là, si on est 20 là, on est 20, on est 20, on n'est pas 20, on est 20, 20 élus indemnisés, pas tous, c'est vrai, force est de le constater. Je vais procéder à l'appel nominal. Tony Di Martino, présent. Cédric Pape, présent. Elham Chahir, Édouard de Noël. Émilie Trigo arrive, Vassindou a donné pouvoir à Mariam Diop, Junji Biro, Hissène Ounissi a donné pouvoir à Cédric Pape, Yasmina Sadoud a donné pouvoir à Choki Haddad qui est juste là-bas, Edith Félix, Brahima Krour, Merlan Georges a donné pouvoir à Daouda Keïta, Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta, Jean-Claude Oliva, Valérie Bi a donné pouvoir à Edith Félix, Yalana Dinome a donné pouvoir, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin, Mariam Diop, Kaline Tribi, Camille Chahir a donné pouvoir à Elam Chahir, Mamadou Sila a donné pouvoir à Émilie Trigo, Manon Chrétien, Zora Kelly a donné pouvoir à Grégoire de la Gannerie, Mona Bellil, Jules Raguenaud, Sébastien Gricourt, Mohamed Jenan, Sébastien Stalens a donné pouvoir à Solène Le Bourris, Pierre Vionnet, Laurent Jamais a donné pouvoir à Mohamed Jenan, Angéline Desbordes-Silly, Claire Laurence a donné pouvoir à Pierre Vionnet, Solène Le Bourris. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Sébastien Gricourt, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Je vous propose, pourquoi ? Ah, en plus, il vient de loin, mais il est là tous les conseils municipaux. Force est de saluer la constance de Sébastien. Je vous propose de démarrer l'ordre du jour de ce conseil municipal. Approbation du PV du CM du 31 janvier. Est-ce que vous avez des observations ? Oui, pas d'observation sur le PV, effectivement. Juste une petite remarque par rapport au décompte que vous venez de faire. Si l'opposition partait, vous n'auriez plus le quorum. J'ai expliqué à Cédric Pape, c'est des choses que j'ai faites lorsque j'étais plus jeune, y compris dans la majorité municipale. Bon, après, ça m'amènerait à convoquer un conseil municipal sous 48 heures. Et 48 heures, on est samedi matin, je pense que personne n'a envie de venir un samedi matin. Mais vous avez bien raison là-dessus. Point numéro 1, rapport sur la situation d'égalité entre les femmes et les hommes en 2023. Caline. Bonsoir. Le rapport annuel sur la situation d'égalité entre les femmes et les hommes est une obligation légale, vous le savez, qui nous guide à la fois pour évaluer nos actions, mais aussi pour orienter de manière cohérente nos politiques publiques. Merci à Thomas Pradelou et Malika Miloud pour cet énorme travail, un très gros rapport, très riche, ainsi qu'aux ressources humaines et à l'ensemble des directions qui ont collaboré. Ce présent rapport est composé de 5 parties. La première partie est intitulée « L'égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques publiques bagnoletaises ». Autrement dit, il s'agit de nos actions ces dernières années. On peut citer notamment, dans le cadre de la lutte pour le droit à la dignité, l'engagement marqué de la collectivité en faveur de la prise en charge des victimes de violences, à travers par exemple le Centre de planification et d'éducation familiale, qui a un rôle crucial dans l'accueil des victimes. Au-delà de ces actions en faveur de la prise en charge des victimes, la mairie appréhende le sujet primordial de la sortie des violences à travers le dispositif Un Toit pour Elles, dont la signature le 7 décembre dernier quadruplé, le nombre de bailleurs engagés. Dans le cadre de l'égalité professionnelle, on peut bien évidemment citer la lutte contre la précarité menstruelle via les distributeurs de protection bio et gratuite pour les agentes. On pense également au travail de fond qui a été mené pour le congé menstruel et qui atteste de la prise en compte de la spécificité de la santé des femmes. Aujourd'hui, ce dispositif concerne 14 agentes, 12 bénéficient de 2 jours d'autorisation spéciale d'absence et les 2 autres bénéficient d'un télétravail étendu. La deuxième partie du rapport est intitulée « L'égalité entre les femmes et les hommes au sein des directions de la mairie ». Donc, contrairement au titre qui peut porter à confusion, il s'agit de chiffres qui concernent la population bagnoletaise. Ce sont des données chiffrées transmises par les directions dans tous les sujets, le sport, le logement, l'éducation, et qui montrent qu'au sein de la collectivité règne une approche intégrée de l'égalité. Parmi ces chiffres, on peut citer ceux de la direction de la santé, qui attestent d'un accès aux soins égalitaires entre les femmes et les hommes. Ceux du service social qui démontre son rôle plus que jamais important dans l'accueil et l'orientation des victimes de violences conjugales, ou encore ceux des sports qui démontrent que, même si certains sports demeurent très, très genrés, des progrès sont réalisés, notamment sur les sports collectifs comme le basket ou le football. La partie numéro 3 est intitulée « Rapport sur l'égalité professionnelle à la mairie de Bagnolet ». Donc là, comme son nom l'indique, il s'agit de chiffres concernant les agents municipaux, les agents et les agentes. Cette partie a été rédigée par les ressources humaines et s'appuie sur le rapport social unique 2022, dont voici quelques données importantes. Un effectif globalement féminin avec 58% de femmes, de fortes disparités qui subsistent selon les filières, de fortes disparités également en termes de positionnement hiérarchique. Ces écarts sont révélateurs de la faible présence des femmes à des postes importants dans la hiérarchie. Un travail doit être mené pour ouvrir ces postes importants un peu plus aux femmes. Il faut noter aussi ce qui est intéressant, c'est que dans les filières où les femmes sont majoritaires, elles sont majoritairement représentées dans les catégories les moins rémunérées. La phrase est un peu compliquée, mais je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. La quatrième partie du rapport est intitulée « Diagnostic territorial, un état des lieux sur des discriminations sur la base du sexe ». Là encore, il s'agit de données sur la population bagnoletaise, des caractéristiques qui s'appuient sur l'enquête discrimination en Seine-Saint-Denis et sur le dossier INSEE de la commune. On peut noter que les discriminations sur la base du sexe sont en augmentation et l'existence de ces discriminations semble être confirmée par l'expérience, puisque 28% des personnes interrogées répondent qu'il leur est arrivé personnellement d'être discriminées en raison de leur sexe, ce pourcentage montant même à 45% pour les femmes. Le nombre d'employés est beaucoup plus fort chez les femmes. La différence entre le nombre de femmes et d'hommes sans activité professionnelle est aussi importante, ce qui laisse entrevoir la nécessité d'un travail autour de l'orientation scolaire et l'insertion professionnelle des femmes. La différence entre le nombre de femmes artisanes, commerçantes et chefs d'entreprise et le nombre d'hommes membres de cette catégorie socio-professionnelle, cette différence témoigne de la nécessité de déconstruire les stéréotypes autour de ces métiers. Il y a 5,5 fois plus de femmes seules avec enfants que d'hommes. Cette différence majeure laisse entrevoir un besoin d'accompagnement spécifique. La différence entre le nombre de femmes et d'hommes sans activité professionnelle, ce qui laisse là encore entrevoir la nécessité d'un travail d'accompagnement spécifique des femmes seules avec enfants, notamment pour l'accès au logement, à la santé, au transport, à la garde d'enfants, à l'emploi. Et enfin, la dernière partie du rapport, la cinquième partie, est intitulée « Feuille de route envisagée pour les politiques publiques municipales en matière d'égalité femmes-hommes », autrement dit, le futur de nos actions. Cette feuille de route est divisée en 4 axes. Diffusion d'une culture de l'égalité et d'une approche intégrée à l'échelle de la municipalité. Lutter contre les violences faites aux femmes, sensibiliser, prévenir, accompagner. Promouvoir l'égalité professionnelle et faire de Bagnolet un exemple dans la fonction publique. Et enfin, déconstruire les tabous autour de la santé des femmes et faciliter l'accès aux soins. En conclusion, je vous dirais que, éclairée par la lecture de ce rapport sur l'année 2023, la mairie de Bagnolet souhaite persévérer dans la volonté d'œuvrer pour plus de justice et d'égalité entre les femmes et les hommes. Le chemin vers l'égalité n'est pas un long fleuve tranquille. Des progrès doivent être faits, notamment en matière d'égalité professionnelle. Des embûches peuvent se dresser, mais seule une démarche volontariste, telle que celle portée par la mairie de Bagnolet, permettra que des changements soient engagés et que l'égalité progresse. Merci, Caline. Solène Lebrus. Bonsoir tout le monde. Effectivement, ce rapport est très complet et je vous remercie, Madame Trivic, pour cette synthèse très claire. L'égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental qui vise à assurer les mêmes droits, les mêmes opportunités et les mêmes traitements dans tous les aspects de la vie sociale, économique, politique et culturelle. Cela signifie l'élimination de toute forme de discrimination basée sur le genre et la promotion de l'équité entre les sexes. Il s'agit d'un objectif important pour la société, car elle contribue à la réalisation du plein potentiel de chaque individu, quel que soit son sexe. Elle favorise également la justice sociale, la cohésion sociale et le développement durable. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques, des lois et des progrès qui visent à éliminer les inégalités de genre, ainsi qu'à promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles. Cependant, malgré les progrès réalisés dans de nombreux domaines, les inégalités entre les sexes persistent. C'est pourquoi il est crucial de continuer à sensibiliser, à éduquer et à promouvoir l'égalité femmes-hommes à tous les niveaux de la société. Bien que le rapport présenté ce soir soit complet et manifeste une réelle volonté de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, nous regrettons cependant l'absence de l'expression « société patriarcale » qui est souvent utilisée pour décrire un système social où les hommes détiennent le pouvoir et les privilèges, souvent aux dépens des femmes. Dans une société patriarcale, les rôles de genre traditionnels tendent à favoriser les hommes dans les domaines tels que la politique, l'économie, la famille et la culture, tandis que les femmes peuvent être reléguées à des rôles subalternes et subir des discriminations. L'analyse de la société en tant que patriarcale est importante pour comprendre des racines des inégalités entre les sexes et pour identifier les domaines où des changements sont nécessaires pour parvenir à l'égalité femmes-hommes, reconnaître et remettre en question les normes et les structures patriarcales est essentielle pour progresser vers une société plus juste et égalitaire. Dans le cadre de la lutte pour l'égalité femmes-hommes, il est donc important d'aborder et de critiquer les systèmes patriarcaux qui perpétuent les inégalités de genre. Concernant les points traités dans ce rapport, il est indiqué qu'une campagne de dépistage du cancer du sein sera organisée vendredi 8 mars. Vous confirmez, hein, c'est bien ça? Il y a bien une campagne demain de dépistage? Non? Alors j'avais cru comprendre ça. C'est bien dommage parce que j'indiquais que c'était une très bonne initiative qui semblerait utile de renouveler plusieurs fois dans l'année. Donc du coup, je m'adresse aussi à monsieur de la Guenry, car si on s'en réfère au taux de dépistage organisé du cancer du sein dans Seine-Saint-Denis, il est de 51,2%. Il est donc inférieur à la moyenne régionale qui est de 57% et nationale qui est de 56,2%. Et donc Bagnolet n'échappe pas à ce constat et je pense qu'on pourrait réfléchir justement à une prévention et pour que les femmes, parce que c'est vrai qu'en termes de soins en Seine-Saint-Denis, c'est très généralisé, il y a un vrai problème, donc je pense qu'on pourrait réfléchir en ce sens-là. Donc voilà, et puis sinon... Non, j'ai pas grand chose à ajouter. Je vous remercie. D'autres interventions, Caline. Merci Solène. Alors pour répondre aux deux points, c'est vrai que société patriarcale, on l'a pas utilisé. C'est vrai qu'on devrait l'utiliser. En revanche, vous aurez peut-être vu que ce mois de mars, dont on a décidé de faire un mois entier de l'égalité, on l'a appelé émancipation. Donc on est quand même dans la même thématique. Voilà, vous avez dû voir les grandes affiches émancipation. Et d'ailleurs, une des premières actions a lieu ce soir au Cinoche à 20h30. Donc, si un ciné-débat, le film We Are Coming. Donc, si on a fini, j'espère vous y voir nombreux. C'est pas une obligation, c'est une suggestion. Et pour le deuxième point, je crois, d'après ce que me dit Thomas, que le dépistage le 8 mars, c'était l'année dernière. Voilà, je crois pas que ce soit demain. Et effectivement, bien sûr, on peut, avec Grégoire, réfléchir à organiser plus de dépistage. De toute façon, plus on donne d'accès, évidemment... à la santé des femmes, entre autres, mieux ce sera. Donc, bien sûr, je pense qu'on est pour. Merci, monsieur le maire. Je vous remercie pour ce vaste rapport qui embrasse beaucoup de points et d'actions. Je m'arrêterai sur trois d'entre eux. Tout d'abord, dans l'objectif d'atteindre l'égalité réelle, il est question, page 47, de la lutte en faveur de la valorisation des femmes dans l'espace public bagnoletais. Commençons par le conseil municipal. Je confirme qu'il s'agit bien d'une lutte. Ce soir, sur les 22 délibérations présentées, deux sont présentées par des femmes. Il s'agit de la délibération sur l'égalité femmes-hommes, dont il serait incompréhensible qu'elle soit présentée par un homme, et d'une délibération sur la petite enfance. Les femmes sont cantonnées à leur rôle traditionnel. Alors qu'il y a le même nombre de femmes et d'hommes au poste d'adjointe, le vœu sur le prolongement de la ligne 3 qui concerne ma délégation est présenté par un homme. Idem avec les 8 délégations sur les conventions pour l'accès des agents de la commune au restaurant qui concerne la délégation de notre collègue John J. Biro, d'ailleurs à l'origine de ce dispositif. Idem pour la charte de l'agriculture urbaine dont notre collègue Anne de Rugy et la cheville ouvrière. Avec la volonté politique de valoriser les femmes dans l'espace public, on pourrait donc avoir ce soir 11 délibérations sur 22 présentées par des femmes. La précarité menstruelle, page 100, et le congé menstruel, page 104, sont des sujets tout à fait intéressants. Concernant la précarité menstruelle, il semblerait cependant utile de préciser le nombre de personnes touchées par l'action et le nombre de serviettes distribuées, etc. Concernant le congé menstruel, il s'agit d'un dispositif tout à fait novateur et utile, même si le nombre de personnes touchées est réduit, puisqu'il s'agit seulement de 14 personnes sur plus de 400 adjointes. Selon le sondage réalisé par le Sénat, c'est 20% des femmes qui disent avoir des règles très douloureuses. Enfin, je regrette que le dispositif de signalement, page 109, d'actes de violence, de discrimination et de harcèlement moral ou sexuel, ou d'agissement sexiste, rendu obligatoire par la loi du 9 août 2019, ne soit toujours pas mis en place pour le personnel de notre ville. Il est dit que la mairie souhaite rendre effectif ce dispositif dans le courant de l'année 2024, comme en 2023, comme en 2022. Cela ne peut nous satisfaire. Maintenant, il faut le mettre en place pour de bon. Ben, Madame Félix, bon, je ne vais pas revenir sur la question de la restauration des agents de la ville, c'est anecdotique. C'est un dispositif que j'ai commencé à lancer pendant le Covid, lorsque Madame Biraud n'était pas encore élue. C'est un dispositif que j'ai porté. Si vous considérez que le groupe Écolo Solidaire veut en assumer la paternité, il n'y a aucun problème. J'ai bien noté que vous souhaitiez que les femmes présentent davantage de rapports. Chère Madame Félix, alors je vais vous proposer très solennellement de prendre la délégation aux finances, d'adjoint aux finances. Comme ça, vous aurez l'occasion de présenter de nombreux rapports. Voilà, prenez la délégation aux finances, Madame Félix, y compris cela nous permettra à Jean-Claude Oliva et à vous de nous faire des préconisations en matière de politique de désendettement de la ville. Monsieur le maire, Kaline très Tribi. Solennellement, je l'accepte. Kaline Tribi. Merci. Et on va récupérer votre délégation, voirie et déplacement. C'est normal. Donc on va récupérer la délégation, voirie et déplacement. Bon, je pense que je peux cumuler les deux. Merci, monsieur le maire. Ah non, je ne pense pas. Kaline Tribic. Bon, Edith, on va confier la délégation voirie et déplacement dans un souci de cohérence à Émilie Trigo. Merci. Et dès demain, je vous signe un arrêté sur la délégation aux finances. Kaline Tribic, tu as la parole. Edith, j'ai noté les points, j'entends les points que tu soulèves et je voudrais te répondre un par un. Alors déjà, attendez, excusez-moi, j'essaye de parler. Est-ce que je peux dérouler? Non, mais j'attends parce que je ne peux pas parler quand c'est comme ça. Donc, Edith, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que déjà, il y a quelque chose qui est chiffré, c'est la parité dans le nombre d'élus. Donc, on est le même nombre, qu'on n'ait pas le même nombre de délibérations tous les jours, effectivement, c'est lié probablement au sujet. Donc, c'est vrai que Cédric, avec les finances, on a peut-être plus. En tout cas, moi, je ne me sens absolument pas invisibilisée ou étouffée dans cette majorité. Le rapport femme-homme, contrairement à ce que tu dis, pour moi, pourrait très bien être présenté par un homme, parce que je pourrais être un élu homme. D'ailleurs, j'ai un chargé de mission homme, ce qui est une très bonne chose, qui alterne, qui remplace Agnès Jaffar, qui était une femme avant. Je trouve que ça, ce n'est pas quelque chose qui doit être genré. Ensuite, pour l'histoire des fournitures de serviettes et de protection hygiénique, tu veux des chiffres, on va vous en fournir, mais d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on l'a fait souvent. Ensuite, sur l'histoire du congé menstruel, tu parles de 20% des femmes qui se plaignent de règles douloureuses et il y a 14 femmes qui ont demandé pour l'instant. En fait, c'est une expérimentation. Donc, pour l'instant, déjà, je trouve que ça cloue le bec à ceux qui disent que toutes les femmes vont se jeter sur le dispositif de congé menstruel parce qu'elles vont vouloir profiter. On voit qu'il n'y en a que 14 et c'est peut-être parce que ce dispositif est encore assez tabou. D'ailleurs, je n'ai pas dit cette phrase, mais avec Thomas, on travaille aussi sur une formation des agents sur ce dispositif parce que c'est un sujet tabou et on sait que c'est un dispositif en plus qui est à double tranchant. C'est un dispositif qui peut se retourner sur les femmes. Ah, elle n'est pas là, elle a serré à gna-gna. Mais on a décidé de le faire. Je crois qu'on était tous d'accord, qu'on en est assez fiers. Et voilà, c'est un fait. Il y a 14 femmes, mais je pense que ça a vocation à augmenter. Voilà. Et sur ton dernier point, le dispositif de signalement des violences, il est en finalisation. Donc oui, c'est trop tard, mais il est en train d'arriver. En tout cas, dans l'ensemble, Edith, même si j'ai de l'estime pour toi, je ne comprends pas trop le sens de ces remarques. Je les trouve opportunistes ce soir, surtout sur l'histoire de la parité, parce qu'on ne peut pas dire qu'on manque de parité, en fait. Donc cette histoire de chercher des poux avec qui présente combien de notes, pour moi, elle n'a pas de sens. Voilà. Allez-y. Ah, Ah, c'est bon, pardon. Bon, je m'apprêtais à être positive, mais je dois dire que là, le petit épisode que vous venez nous faire subir, monsieur le maire, je trouve totalement scandaleux. Totalement. En fait, vous cumulez des fonctions à l'échelle d'un conseil municipal qui sont des fonctions régaliennes. Vous êtes maire, vous gardez les finances, vous avez gardé les finances à la suite de la démission d'Olivier Tarvella. Et là, en séance, vous êtes en train de piéger Edith Félix, donc vous piégez une femme. Ah oui, bah oui. Non, mais c'est exactement, peut-être que vous n'en avez pas conscience, peut-être que ce n'est pas délibéré, mais ça contribue, ça participe à ce que dénonçait Solène sur la société patriarcale. Bon, je trouve ça d'une inélégance et d'une maladresse crasse, mais Edith Félix prendra ses responsabilités. Bon. Maladresse crasse. Oui. Mais je suis désolée, c'est faux. Il ne faut pas qu'on en arrive au point où on ne peut pas s'opposer à une femme, parce que c'est une femme, on n'a plus le droit, ça va devenir du patriarcat. Là, on a le droit, et moi je respecte infiniment Edith, et je l'apprécie même, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec elle. Vous voulez, grâce à mes interventions, il y a deux élus femmes qui ont des délégations au sein du groupe Écolo-Solidaire, alors que ce n'était pas prévu au moment des négociations, par exemple. Les élus de la majorité s'en souviennent. Et puis moi, je ne permets pas, je suis désolée qu'on parle en notre nom en disant que... Enfin, je ne sais pas, que c'est parce que c'est une femme. C'est faux, on peut avoir des désaccords et ce n'est pas parce que c'est une femme. Voilà, et il y a autre chose, quand vous parlez l'une et l'autre de cumul du maire, mais la particularité justement du maire et de notre équipe d'élus, c'est qu'on est contre le cumul et qu'on ne cumule rien. Donc regardez, s'il vous plaît, d'autres municipalités, d'autres élus autour de nous, ou même des élus d'ici qui auraient eu très très très envie de cumuler. Le principe justement de Tony DiMartino et son équipe, c'est qu'on ne cumule pas. Donc, je ne suis ni à la métropole, Madame Desbordes, ni vice-président à Est-Ensemble. Est-ce que je peux continuer? Je pourrais être vice-président à Est-Ensemble. Et d'ailleurs, parfois, je me pose la question, puisqu'on nous dit qu'il faut que les maires s'impliquent davantage à Est-Ensemble. Mais je ne suis ni à la métropole du Grand Paris, ni vice-président à Est-Ensemble. Je parlais de l'exécutif municipal. Vous êtes à la voix en charge des ressources humaines, des finances. Eh oui. C'est le principe, c'est le rôle du maire. Non. Il y a une spécificité. Regardez ailleurs, regardez dans les communes d'Est-Ensemble, quel est le maire qui est à la fois en charge des finances, des ressources humaines. Je ne sais pas. Regardez. D'ailleurs, ce n'était pas le cas sous le mandat précédent. Et ce n'était pas le cas. Absolument. Bon, voilà. Ouais. Et votre premier adjoint n'est pas une femme. Hein. Cédric Pape, pas une femme. Ça. Moi, je voudrais encore ajouter quelque chose, Tony. Tony, si tu veux bien, moi, je voudrais ajouter quelque chose. C'est que quand même, tous les ans, au moment de la présentation du rapport égalité femmes-hommes, tout le monde est plus féministe que toute l'année. Et ça, je peux le comprendre, c'est pas un reproche. En revanche, je refuse que sur le dos de ma délégation, de cette délégation et de la mission, soient réglés les comptes des uns et des autres, notamment avec le maire ou avec les élus de la majorité. En fait, trouver un autre axe de combat, parce que là, ce truc-là, de commencer à dire qu'il cumule ou qu'il est sexiste ou qu'il est misogyne, bah juste moi, qui suis l'élu sur cette mission-là, je dis exactement le contraire. Et je ne pense pas être quelqu'un qui est totalement ma langue dans ma poche. Donc, trouver d'autres... Bon, je vais continuer, si je ne vous ai pas interrompu. Donc... Je ne sais pas. On peut se couper la parole entre femmes ou on n'a pas le droit? Heureusement que ce n'est pas moi qui coupe. Allez-y, Madame Desbordes. Vous m'aviez donné la parole. Je reprends la parole. Alors, vous aviez fini. Là, c'est un procès d'intention que vous faites, Kaline Tribic, parce que je n'avais pas du tout... Je vais lire le propos que je m'adressais à tenir, qui était absolument pas, qui était pavé de bonnes intentions, parce que je reconnais, comme Solène Le Bourris, que le rapport que vous avez produit cette année est de très grande qualité. D'ailleurs, je crois que j'ai eu l'occasion de le dire en commission. Merci, et on salue également Thomas Pradeloup, qui est un homme et qui est notre chargé de mission. Absolument, et qui a fait un travail de grande qualité, et je le redis ce soir, et j'ai eu l'occasion de le dire en commission. Ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans de mémoire, où il n'y avait pas de rapport. Donc je reprends le fil de la discussion, je referme cette parenthèse un peu navrante. Bon, je voulais dire 2 choses. La première chose, c'est que ce rapport, il est de bonne qualité, et parce qu'il met en lumière l'importance des actions qui sont menées par la ville de Bagnolet en matière de lutte contre les inégalités et les violences sexistes et sexuelles. Alors évidemment, ces actions, elles ne viennent pas de nulle part, elles s'inscrivent dans l'histoire de Bagnolet, hein, qui a toujours été du côté des luttes sociales et tous les combats en faveur de l'émancipation et pour l'égalité. Bagnolet, je le rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent, s'est dotée dès 2008, elle était précurseuse d'une délégation spécifique aux droits des femmes Et bien sûr, dès 1959, Bagnolet a été une des premières communes à être dirigée par une femme, pour qui nous avons ce soir une pensée, Saurore. Bonsoir à Jacqueline Chenavel, qui a de nombreux égards ouvert la voie aux femmes en politique, même si, comme le rappelait à juste titre Edith, et merci Edith de l'avoir dit, parce que ce que tu dis est frappé au coin du bon sens, et même nous les femmes, on l'intériorise, le fait que les délégations régaliennes, la prise de parole est préemptée par les hommes, y compris dans des exécutifs de gauche. Donc on le sait, le rôle des collectivités dans la lutte pour l'égalité réelle, contre les discriminations, les violences de genre, le rôle des collectivités, des villes est décisif. Ce combat, il est plus que jamais d'actualité, puisque le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité soulignait, je cite, « la société française demeure très sexiste dans toutes ses sphères ». Les stéréotypes sexistes persistent, on assiste même à une recrudescence de l'idéologie masculiniste encouragée par la frange la plus conservatrice de la droite dite républicaine. Il est donc essentiel, pour passer d'une égalité formelle ou une égalité des droits à une égalité réelle, de mettre en place des politiques publiques volontaristes qui sont adaptées à tous et à toutes, et de construire une ville qui est pensée pour les hommes, elle l'est déjà, mais également pour les femmes, en agissant sur les comportements individuels, collectifs, conscients ou inconscients, tout en questionnant les représentations sociales. Et c'est ce que tu as fait ce soir, Edith. Je voudrais souligner, et c'est un aspect positif que je souligne, la qualité du dispositif mis en place à Bagnolet pour accompagner et prendre en charge les femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Ça, c'est essentiel. Je pense à SOS Victimes 93, mais évidemment aussi au LAO ou au Centre municipal de santé, dont le Centre de planification familiale a accueilli en 2023 près de 200 très jeunes femmes de 15 à 25 ans. Je voudrais également saluer les actions qui sont menées en lien avec la culture de l'égalité et de l'éducation au respect mutuel. Tout commence à l'école, bien sûr, et puis dans le secondaire, que ce soit sur le travail sur la littérature jeunesse dans les crèches ou le théâtre jeunesse qui a été mentionné au Collège Travail l'année dernière. Et demain, il y a une pièce de théâtre. Bien sûr, il reste du travail. L'invisibilisation des femmes dans l'histoire, la mentrification et dans l'espace public, qui reste un fléau. De même que les violences subies dans l'espace public, qui est préempté par les hommes, d'ailleurs peut-être à Bagnolet plus qu'ailleurs. À ce sujet, le dispositif ici demandé Angela, qui sera déployé prochainement pour prévenir et lutter contre le harcèlement de rue, est une excellente nouvelle. Pour conclure, j'irai un mot sur la collectivité employeuse, je ne m'y attarde pas. Cali nous avait relevé un taux de féminisation des emplois de direction qui est toujours trop faible, un temps partiel toujours majoritairement féminin. Ce sont deux indicateurs qui traduisent la difficulté persistante des agentes à concilier maternité et activité professionnelle et qui indiquent peut-être, dans les politiques publiques à renforcer, un soutien particulier de dispositifs à la parentalité. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, merci, Kaline, pour ton travail. Pardon, Mohamed. Merci. Moi, je voudrais revenir sur une date importante à retenir, un événement que l'on considère d'historique. Et une date à retenir, je disais, lundi 4 mars, le Congrès a adopté l'entrée dans la Constitution de l'IVG. Ce sont des années de combat, de militants, et surtout de militantes qui sont récompensées. Cette victoire, nous la devons à toutes celles et tous ceux qui ont milité d'abord pour la légalisation il y a seulement quelques années, puis pour faire respecter ce droit. Cette victoire défie les soi-disant militants pro-vie qui continuent leurs attaques, cassent des centres IVG, faux sites internet de conseils, offensives médiatiques. La récente assimilation de l'IVG au meurtre par CNews montre que le combat contre les droits des femmes à disposer d'elles-mêmes n'est pas terminé. Pourtant, les élus nationaux ont prouvé que face à leur idéologie nauséabonde, le peuple, lui, dans son immense majorité, reconnaît ce droit comme essentiel. Pourtant, nous devons encore combattre pour gagner de nouveaux droits. Si les assemblées ont reconnu la liberté d'avorter, il nous faut encore lutter pour avoir accès à l'IVG partout sur le territoire. Depuis plusieurs années, la santé est attaquée par les politiques d'austérité des libéraux. Un désert médical, c'est aussi l'accès à l'IVG entravé. Le planning familial estime que 130 centres ont fermé en 15 ans. Lorsque les femmes trouvent du personnel médical, les délais sont parfois trop longs. La clause de conscience permettant à un médecin de refuser de pratiquer l'IVG est toujours en vigueur. Le manque d'éducation sexuelle permet aussi la désinformation et la propagation d'idées fausses et dangereuses. Je disais une victoire, mais restons mobilisés pour la fin de l'austérité dans le service public, et notamment la santé, et l'accès effectif à l'IVG sur tout le territoire de manière légale, égale. Merci. Merci Mohamed. D'autres interventions ? Donc merci Caline pour ton travail. Le point suivant, le rapport d'orientation budgétaire. Chers collègues, le temps est venu de nous pencher ensemble sur ce rapport. Je parle bien de rapport. Nous ne sommes pas encore au vote du budget, même si le document qui vous est présenté cette année est extrêmement détaillé. Je le précise d'emblée, car certains voudront peut-être faire de cet échange un débat sur le budget 2024. Un peu de patience. Le 4 avril, nous aurons l'occasion d'en débattre. Le rapport qui est donc soumis ce soir au débat est différent sur la forme de ceux que nous partagions jusqu'alors. En effet, j'ai souhaité, avec la direction générale, qu'il s'agisse d'un véritable document de travail qui recherche l'efficacité plutôt que le lyrisme. J'ai voulu qu'il s'agisse d'un document qui donne un reflet totalement transparent de notre situation et qu'il intègre, bien que ce ne soit pas le cœur du débat, l'état de notre construction budgétaire 2024 à la date où il vous est communiqué. Quelques éléments de contexte. Ça défile. Je ne vous propose de ne pas m'apesantir sur les éléments internationaux, les éléments nationaux. Vous êtes mal poli, en fait. En fait, vous passez votre temps à réclamer de la politesse et vous marrez lorsque je parle. Donc on va faire une interruption de séance. Messieurs, je vous propose de redémarrer la séance et en espérant qu'elle se poursuive dans le respect mutuel que Mme Desbordes-Silly appelle de ses voeux à chaque conseil municipal. Donc je vous invite à un peu respecter les prises de parole qui peuvent être autres que les vôtres, si vous me permettez l'expression. Vous avez pu prendre connaissance donc du rapport qui vous a été communiqué. Précisons d'emblée que la hausse des prix qui touche nos concitoyens s'applique bien évidemment aussi aux collectivités locales que nous sommes. La récente décision du gouvernement d'annuler près de 10 milliards de crédits de budget de l'État, bien qu'elle ne vienne pas directement diminuer les dotations de l'État aux collectivités, ça n'est pas le cas, pour l'instant du moins, vient nécessairement amputer la capacité de celui-ci à accompagner et soutenir les initiatives portées par les collectivités territoriales. C'est par exemple le cas du Fonds vert. Nous le savons aussi toutes et tous, nous sommes souvent contraints par des décisions qui ne nous appartiennent pas. Certaines de ces décisions vont dans le bon sens, bien entendu. Il en est ainsi, par exemple, de l'augmentation du point d'indice ou de la revalorisation des agents les plus précaires de notre fonction publique. Ce sont là des mesures que tous, sur ces bancs, nous avons appelées de nos voeux et qui sont certes arrivées trop tardivement. Nous nous en félicitons, bien entendu, mais il s'agit aussi de décisions qui nous ont échappé et qui pèsent sur nos budgets, puisque le coût de leur application n'a bien entendu été nullement compensé dans les dotations que nous percevons de l'État. L'orientation clé que nous vous proposons de retenir est simple: préparer l'avenir de notre territoire. Je ne vais pas vous proposer une lecture stricto sensu du document, quelques mots néanmoins. Il ne s'agit plus de faire des économies de bout de chandelle sur les stylos ou les gommes. Disons-le nous, il faut que nous optimisions nos dépenses de gestion plus que nous les diminuions. La revue de budget que nous avons menée pour construire la maquette 2024 a été l'occasion de venir questionner chacune des dépenses de la collectivité. Chacune. Parmi les priorités que je vous propose de nous fixer, il y en a une autre qui est claire. Nous devons aller chercher chaque financement là où il est. Certains diraient qu'il faut que, je cite, le pognon pleuve sur Bagnolet. Je suis quant à moi plus mesuré. Il faut que nous nous donnions les moyens d'aller le chercher. Pour chaque projet que nous envisageons de mener, il nous faut rechercher un cofinancement. Je sais pouvoir compter sur l'engagement sans faille d'Amit Chahir, conseiller municipal délégué en charge du dossier depuis 2020, pour animer ce travail fondamental pour notre collectivité. C'est ce à quoi nous nous astreignons systématiquement. Concernant par ailleurs la masse salariale, là aussi j'entends des collègues de la majorité comme de l'opposition dire parfois, ici ou là, il y a trop d'agents. Bien sûr, jamais devant les organisations syndicales, jamais. Il est plus facile de dire il y a trop d'agents que de l'assumer publiquement. Mais rassurez-vous, les couloirs de cet hôtel de ville ont ceci d'extraordinaire qu'ils entendent et répètent. Alors, me concernant, ce n'est pas ce que je dis. Je n'ai qu'un leitmotiv, le service public. Quel est le meilleur niveau de service public que nous souhaitons proposer aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais? Et quels sont les moyens nécessaires que nous devons mobiliser pour assurer ce service public de qualité que nous appelons de nos voeux? Certains auraient souhaité externaliser le service d'entretien ménager. Certains. Ce n'est pas la voie que nous avons choisie collectivement. Nous n'avons pas externalisé le service d'entretien ménager. Nous avons recruté une dizaine d'agents en novembre. Nous venons d'en recruter 4 il y a maintenant 10 jours. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les pratiques d'un autre temps qui ont parfois ici la vie dure doivent cesser. Il n'est pas acceptable que des agents soient dans la nature depuis trop longues années. Il en va de l'égalité entre chacune et chacun. Tous les agents doivent pleinement être au service des Bagnoletaises et des Bagnoletais. Je n'évoquerai pas ici l'endettement, j'aurai l'occasion d'y revenir dans un instant. Ces orientations macro étant données, voici les orientations budgétaires que nous vous proposons de retenir. Une réduction des dépenses de fonctionnement sur la base du réalisé 2023 à hauteur d'environ 5%. Bien entendu, il s'agit d'en faire une application intelligente au regard des situations des directions et des services et au regard de nos priorités politiques. C'est la raison pour laquelle, par exemple, l'éducation a été sanctuarisée et encouragée. Malgré un contexte d'augmentation réglementaire des traitements et rémunérations, maintien de la masse salariale à un niveau identique à celui connu en 2023. Poursuite de la modernisation de l'administration municipale en portant une attention à proposer un service public de qualité. Maîtrise de l'endettement et du recours à l'emprunt. Il s'agit pour ce faire de dégager des marges d'autofinancement qui permettront de financer notre programme d'investissement. Recherche systématique de cofinancement pour chacune des actions mises en place par la collectivité. Je ne serai pas long sur les recettes de fonctionnement. En effet, nous entrerions davantage dans le débat sur la construction budgétaire 2024 que sur les orientations budgétaires en tant que telles. Quelques mots, cependant, la principale évolution que nous anticipons sur le budget 24 est une augmentation sensible des impôts et taxes, non pas parce que nous augmentons la taxe foncière, nous ne l'augmenterons pas, mais parce que les bases votées par le Parlement ont cette année, comme souvent, évolué. C'est pour moi l'occasion de réaffirmer un engagement que j'ai eu l'occasion de prendre avec toutes les composantes de la majorité municipale. Le levier de la fiscalité locale a été actionné en 2022. Il ne le sera plus. Nous n'avons pas vocation à utiliser à nouveau ce levier fiscal. Pour être très clair, les bagnoletaises et les bagnoletais qui suivent nos débats, il n'y aura pas de nouvelle augmentation des impôts locaux jusqu'en 2026 au moins et sans doute pour la suite. L'augmentation de 2 millions d'euros de recettes s'explique simplement la revalorisation des bases fiscales de 2024, je le disais à l'instant, par le législateur dans la loi de finances et l'augmentation de la population suite au recensement INSEE. Le document d'orientation qui vous a été communiqué donne à voir une version actualisée de la programmation pluriannuelle d'investissement. Comme nous l'avons toujours dit et redit, c'est le lancement du projet Pêche d'Or qui est acte véritablement le démarrage, le lancement de ce PPI. Pourquoi disons-nous cela? Simplement parce que chacun ici sait que nous avons plusieurs projets d'école à porter, que les reins de la collectivité ne sont pas suffisamment solides pour mener de front, dans le même temps, en même temps, au même moment, plusieurs projets de construction d'écoles. C'est donc bien en faisant des différents projets que nous pourrons envisager progressivement de faire émerger sur notre territoire de nouveaux équipements de qualité. Alors l'occasion m'est donnée de vous communiquer quelques informations sur Pêche d'Or. Vous avez chacune et chacun pu le constater, le chantier est lancé et bien lancé. Sequano assure la maîtrise d'œuvre et le suivi quotidien du chantier. La société SPI Batignol a pris le relais de la société précédente qui, pour rappel, était défaillante. L'école sera livrée avant l'été 2025 et ouvrira ses portes pour septembre 2025. L'ancienne école sera détruite dans la foulée. Le berger, Gilles Amard, l'association Sort de Terre, avec qui nous poursuivons bien entendu le dialogue, pourra, à l'automne 2025, s'installer dans un espace vert contigu à la nouvelle école. Suivra après Pêche d'Or la reconstruction du groupe scolaire Langevin. Nous sommes bien en amont dans la phase de définition des contours du programme. Il y a quelques mois, un premier travail avec la communauté éducative avait permis de définir les besoins et de fixer les points cardinaux du programme. Une actualisation en cours de l'étude de prospective scolaire qui va nous être communiquée dans les prochains jours doit venir nous confirmer les besoins exprimés dans le programme ou permettre de les adapter. Nous aurons aussi l'occasion de réfléchir globalement en termes de carte scolaire autour de trois établissements, l'élémentaire et la maternelle Langevin et la maternelle Capsulerie. Notre objectif demeure intact, lancer des procédures de concours d'architectes le plus rapidement possible. Je vous propose de ne pas rentrer dans le détail pour l'instant des autres investissements, juste vous dire que le PPI inclut d'importants efforts sur le patrimoine municipal qui, vieillissant, nécessite une attention particulière et une gestion optimisée. Je ne doute pas un seul instant que le débat nous permettra de l'évoquer. Je vous l'avais annoncé, je ne m'y déroberai pas. Et c'est chaque année un sujet très important dans le cadre de nos échanges, que ce soit au sein de la majorité municipale ou au sein du conseil municipal. Le temps est venu d'évoquer le niveau d'endettement et le recours à l'emprunt. J'ai souhaité, pour ce faire, mettre en rapport depuis 2020 le montant que le conseil municipal autorise à emprunter lors du vote du budget et le montant finalement réellement emprunté. Certains voudraient laisser penser qu'à Bagnolet, l'argent est jeté par les fenêtres et la ville mal gérée. Regardons ensemble l'évolution du recours à l'emprunt depuis 2020. 2020, 25,4 millions d'emprunts inscrits au BP, 9,2 millions d'emprunts levés. En 2021, 23,1 millions d'emprunts inscrits, 7,6 millions d'emprunts levés. 2022, 11,8 millions d'euros d'emprunts inscrits, 7 millions d'emprunts levés. 2023, 10 millions inscrits, 6 millions d'euros levés. Je ne vous ferai bien entendu pas l'affront de dire que tout va bien. Cependant, ça va mieux. Mais tout ne va pas bien. Voilà. Les autorisations d'emprunt votées sont systématiquement plus importantes que l'emprunt finalement levé. Cela s'explique grâce notamment à une gestion dynamique des recettes en cours d'année et une stimulation permanente des services pour faire preuve d'innovation dans leur recherche de financement. Un gros travail a été engagé et il doit se poursuivre. La trajectoire que nous poursuivons est bien celle-ci. Augmentation de notre capacité d'autofinancement et donc baisse significative de notre besoin de recourir à l'emprunt. En début de mandat, nous avons emprunté 9,2 millions d'euros pour boucler le budget d'investissement. En 2024, 4 ans plus tard, nous travaillons dans une hypothèse d'emprunt de 5 millions d'euros. Alors certes, au regard de la situation de la ville, c'est probablement encore trop. Nous continuons à payer les errements de nos prédécesseurs, c'est certain, mais quoi qu'en disent les 10 heures de mauvaise aventure, c'est bien sur une trajectoire de désendettement progressif que nous sommes. Chers collègues, bien évidemment, encore une fois, vous ne m'entendrez pas dire que tout va bien, d'importants efforts restent à faire. Ils doivent être constants, engagés, motivés. C'est avec la plus grande transparence et sincérité budgétaire que j'ai souhaité vous présenter l'ensemble de ces éléments. Je tiens à remercier les équipes de la Direction générale, de la Direction des finances, qui ont abattu un travail important dans la préparation, dans la présentation, et pour avoir ce soir des éléments précis, clairs, et avoir, on peut le dire, un budget aujourd'hui consolidé. Il me semble que depuis 2014, c'est la première fois que nous arrivons dès l'étape du rapport d'orientation budgétaire à vous présenter de telles données et une telle avancée dans la construction de l'année concernée. Là aussi, je ne doute pas un seul instant que ces éléments vous feront réagir. Le débat est donc ouvert. Vous avez la parole. Bien. Avant de laisser mes collègues aborder le fond, moi, je voulais dire quelques mots sur la forme de ce rapport. Donc, j'entends que vous vous félicitez du nouveau format de ce rapport d'orientation budgétaire. Alors, j'avais prévu de vous interroger sur les raisons qui vous avaient conduit à opter pour ce format qu'on va qualifier de resserré. Et c'est un euphémisme, hein. C'est très euphémisant. Je peux me permettre de vous interrompre 2 secondes. Je ne fais plus après, je vous jure. En fait, c'est le même attrape depuis de longues années. Donc, si, j'ai fait que copier. C'est obsessionnel. Hein. Je pense que celles et ceux qui nous écoutent vont chercher à comprendre pour quelles raisons vous êtes obsédé par la ville de Trappes. Donc, puisque vous avez un certain nombre de cadres de direction qui viennent de Trappes. J'ai l'ancien directeur général des services de la ville de Trappes, l'ancienne directrice générale adjointe de la ville de Trappes. Je suis au courant. Est-ce qu'on peut parler de Bagnolet ? Est-ce qu'on peut parler de Bagnolet ? Trappes, ça n'intéresse pas les Bagnoletais et les Bagnoletaises. Donc moi, je voulais vous demander pour quelles raisons vous aviez opté pour ce format resserré. Et format resserré, vous avez répondu avant même qu'on vous pose la question. Je vous cite de mémoire, par souci d'efficacité et pour éviter le lyrisme. C'était vos termes. Et c'est pour ça que je riais. C'était le terme lyrisme. Moi, je ne vous ai jamais trouvé particulièrement lyrique ici. Donc n'ayez pas de crainte, vous n'étiez pas lyrique. Bon, en réalité, alors, celles et ceux qui nous écoutent ne se rendent pas bien compte, mais vous avez projeté quelques slides, alors bravo, c'est la première fois que dans cet hémicycle on projette des slides, vous progressez. C'est des slides de PowerPoint, alors il y a des bouts de tableau, des courbes, des taux, mais alors il n'y a absolument aucun élément d'explication. Si vous considérez que fournir des éléments de contexte budgétaire, des éléments d'explication, c'est faire du lyrisme, alors les mots ont un sens, vous vous trompez de terme. En réalité, ce rapport, aujourd'hui, il présente des données qui sont totalement impossibles à interpréter. Je pense que mon collègue Pierre Vionnet l'a relevé, ainsi que Solène Le Bourris en commission. On n'est pas magicien. Il y a un certain nombre d'indicateurs financiers budgétaires qui, normalement, dans le cadre d'un rapport d'orientation budgétaire normalement conçu, qui est une note de synthèse habituellement, fournit des éléments de compréhension. Alors, moi, j'y vois, pardonnez-moi, une coïncidence troublante. Jusqu'au départ d'Olivier Tarabella, on pouvait ne pas partager ces options, ces choix budgétaires, mais on avait quand même un dossier de synthèse qui tenait la route. Alors, J'aimerais quand même rappeler que la présentation du rapport d'orientation budgétaire, c'est pas un truc dont on doit se débarrasser en deux coups de cuillère à peau. C'est une obligation légale des collectivités à laquelle vous ne pouvez pas vous soustraire, pas plus à Bagnolet qu'ailleurs. Et ça sert à quoi, en fait, un rapport d'orientation budgétaire? Pourquoi on se parle là? Ben, ça sert à celles et ceux qui nous écoutent, les habitants qui ne sont pas familiers des finances publiques. Hein, c'est quelque chose de très... très compliqué à comprendre pour celles et ceux qui ne sont pas familiers du truc, de comprendre les choix budgétaires que vous faites, que vous décidez, l'utilisation accessoirement de leurs deniers publics, et à nous, les élus qui adoptons le budget annuel, de le faire en toute conscience et de façon éclairée. Et dans les élus, j'englobe aussi les élus de votre majorité, dont on sait pertinemment que sur un ensemble dans un hémicycle, un certain nombre de conseillers majoritaires, évidemment, qui ne vont pas le dire ici, ne comprennent pas tous les tenants et les aboutissants, parce qu'ils ont des délégations, par ailleurs, qu'ils essaient de mener du mieux qu'ils peuvent et qu'ils n'ont pas du temps, en plus, du reste, à consacrer, à interpréter des indicateurs qui ne parlent pas d'eux-mêmes. Bien. Alors, vous nous avez encore parlé en préambule, en commentant vos slides, de qualité du service public. Vous avez ce mot à la bouche, on est tous d'accord, là, on est là-dessus, on est d'accord. La qualité du service public est ce qu'il faut mettre en œuvre en premier lieu. Mais la qualité du service public, eh bien, c'est une communication claire, une information financière et budgétaire accessible et intelligible à celles et ceux qui s'y intéressent. Bon. Voilà. Bon, je ne vais pas m'éterniser. C'est un choix délibéré de votre part. Moi, je me disais, en lisant ce rapport d'orientation budgétaire, peut-être que c'est la conséquence d'une désorganisation de vos services, du turnover. Ah, bah écoutez, bon. C'est l'inverse. On n'a jamais été aussi au complet au niveau de la direction générale et de la direction des finances. Je pense que c'est incompréhensible. Vous fourvoyez dans votre analyse, Madame Desbordes. Bah écoutez, peut-être. Bon, je ne suis pas la seule à partager cette analyse. Bon, en tout cas, c'est votre choix. Moi, je vous parlais de soucis d'efficacité. Moi, j'y vois, pardonnez-moi de le dire en ces termes, moi, j'y vois plutôt un peu d'embarras et même peut-être même un choix d'opacité ou de dissimulation. Parce que on ne peut pas interpréter des chiffres, des données brutes. Bon, c'est un débat, donc j'ose espérer ne pas être la seule à relever ce nouveau format auquel personne ne comprend rien et auquel on peut faire dire tout et n'importe quoi. Bon, je m'arrête là sur la forme. Mais en fait, ça pourrait passer facilement dans une autre collectivité. Mais à Bagnolet, il y a quand même une spécificité. Chacun connaît les difficultés gravissimes que traverse la ville. Et vous avez un impératif de transparence absolue, encore plus qu'ailleurs. Et ce n'est pas à nous, les élus, majoritaires, minoritaires et les habitants, ce n'est pas à nous d'échafauder des hypothèses pour comprendre vos arbitrages budgétaires. Alors, sur le fond, bon, je laisserai Solène Gouris et Pierre Venet commenter, parce que moi, je n'ai pas pu assister à la commission finance, donc je n'ai pas toutes les billes. Je ne reviens pas sur les zones d'ombre, mais je voudrais relever trois éléments qui me semblent importants, alors auxquels je n'ai pas tout compris, mais je suppose que vous allez fournir des éléments de réponse. Donc, l'augmentation projetée des recettes de fonctionnement, le premier élément. Ensuite, indiquer que la part des dépenses de fonctionnement reste trop élevé au regard de la charge de la dette et une dette qui continue d'augmenter, même si effectivement elle décroît sur le mandat, mais enfin elle continue d'augmenter. Alors, sur les recettes de fonctionnement, vous projetez un montant total de recettes en augmentation de 99 millions d'euros alors qu'il était à moins de 80 millions sur l'exercice précédent. Alors, plusieurs explications ou hypothèses, hein, puisqu'il faut échafauder des hypothèses à défaut d'explications. Donc, une hausse des concours de l'État. Il y a une revalorisation prévue de la dotation globale de fonctionnement de la DSU, 320 millions d'euros prévus dans le cadre de la loi de finances 2024. Mais bon, vous prévoyez une augmentation de 10% du montant des produits et des services sans fournir d'explication. Je pense que compte tenu de l'augmentation des tarifs du périscolaire cette année dont on a abondamment parlé ici, peut-être qu'il aurait été intéressant d'expliquer à quoi correspond cette augmentation de 10% du montant des produits et des services. Bon, sur les recettes de fiscalité, vous avez apporté un début d'élément de réponse en indiquant qu'évidemment, ce n'était pas une augmentation des taux, mais des bases et en lien aussi probablement avec l'augmentation du nombre d'habitants. Bon, je rappelle quand même qu'en 2022, on a été encore un palmarès dont on se serait bien passé. Je crois qu'on était la quatrième ville de France pour son augmentation de taxes foncières. Après Grenoble. Pardon ? Après Grenoble. Ah, Grenoble. 35%. On change. Très bien. Et Mantes-la-Jolie. Sur les dépenses de fonctionnement, bon, les dépenses de fonctionnement, vous l'avez dit, il y a une je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a une absolue nécessité à diminuer la part des dépenses de fonctionnement, compte tenu de la charge de la dette, et pourtant, vos dépenses continuent d'augmenter. Alors, on sait le contexte inflationniste, on connaît les conséquences de la hausse du prix de l'énergie, du dégel du point d'indice pour la seconde année consécutive, et vous l'avez indiqué, c'est tout à fait, on ne revient pas là-dessus, c'est la revalorisation des traitements des agents de catégorie C est une excellente nouvelle. Néanmoins, on observe une augmentation des charges à caractère général. Alors, les charges RH dont vous parlez, je ne sais plus quel terme vous avez utilisé, en disant que certains ou certaines ici disaient ou murmuraient au sein des couloirs de l'hôtel de ville qu'il fallait absolument dégraisser, supprimer des postes. Bon, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'imagine que vous faites allusion à ce qui a été écrit par votre ancien adjoint aux charges des finances. Ah non, du tout. Je ne fais pas allusion à lui, je fais allusion à ce que disent certains collègues. Il y a trop d'agents dans la collectivité, je mets des guillemets. Hein. Bon, ce n'est pas mon propos. En tout cas, je n'ai pas vu de l'extérieur, nous n'avons pas les moyens de répondre à cette question. Vous seul savez, vous seul connaissez le fonctionnement de vos ressources humaines. En tout cas, une chose est sûre, c'est que garantir la qualité du service public local, c'est avoir suffisamment d'agents pour exercer ses missions de service public local, mais aussi dégager suffisamment de ressources pour permettre à ces agents d'exercer leur mission dans de bonnes conditions. Et j'aimerais revenir sur le mouvement de grève qui a eu lieu en janvier-février, qui a duré pratiquement un mois, et qui a engendré pour les familles, on le sait, d'innombrables difficultés, mais aussi pour les salariés grévistes, une importante perte de revenus. Donc c'est un sujet, avoir une masse, un certain nombre d'agents, ok, mais permettre à ces agents de ne pas être en souffrance et d'exercer leur mission correctement. Alors, sur la dette, je ne sais pas bien quoi dire, puisque vous fournissez aucune information sur la structure de la dette. Bon, le niveau d'emprunt, quoi que vous disiez, il reste élevé parce que le coût du crédit s'est renchéri à cause des taux d'intérêt élevés. À quoi va servir ce nouvel emprunt? Je ne sais plus, c'est 5 millions d'euros projetés. Qu'est-ce que ça va couvrir sur le programme d'investissement pluriannuel? On n'en sait rien, pas de lyrisme. Et sur la capacité de désendettement de la ville, qui correspond au nombre d'années nécessaires pour rembourser la dette, là aussi, c'est le flou le plus complet, mais je suppose que mes collègues y reviendront. Alors, les orientations budgétaires, vous les avez projetées, tout le monde les a vues, bon, il me semble. Maintien des actions de proximité, lesquelles? Amélioration du cadre de vie des habitants, ils en ont bien besoin, ça veut dire quoi? Priorité à l'éducation, bon, alors on a la gratuité des fournitures scolaires, ok, mais quoi d'autre? Et la remise à niveau du patrimoine, j'aime beaucoup l'expression remise à niveau, lequel et quelle remise à niveau? J'arrête là, je vais laisser la parole à mes collègues. Simplement, je voulais dire en conclusion que vous l'aurez compris, ce rapport, il pose davantage de questions qu'il n'apporte de réponses. Et vous ne faites pas de lyrisme, moi je trouve que vous escamotez le débat public. Je vous Alors, remercie. Madame Desbordes-Silly, je pense que nous n'avons pas participé au même débat d'orientation budgétaire les années précédentes. Je me permets de vous rappeler qu'à cette occasion, votre groupe m'a reproché de présenter des orientations budgétaires trop générales, trop axées sur l'international, trop axées sur le national et trop peu axées sur Bagnolet. Je vais vous communiquer vos interventions des années précédentes. J'ai demandé à mon cabinet de vous ressortir les interventions des uns et des autres. Donc on ne peut pas, dans le même temps, dire une année c'est trop général et l'année d'après c'est trop précis. Vous ne savez pas à quoi correspondent les investissements. Vous avez le tableau là. Vous avez le tableau des dépenses d'investissement. Il était dans le document. Non, je parle de l'emploi. Madame Desbordes-Silly, il était dans le tableau. Vous dites on ne sait pas à quoi correspondent les dépenses d'investissement. C'est dans le tableau. Vous me dites à quoi correspond l'emprunt. Je me permets de vous rappeler une règle des finances locales. C'est la non-affectation des recettes. Donc l'emprunt sert à financer les investissements. Donc je ne vais pas vous faire l'injure de vous inviter à relire les manuels de finances publiques locales, mais je vous assure que c'est ça. Vous me reprochez de ne pas vous présenter les ratios. Je vous rappelle que les ratios budgétaires et financiers sont des éléments obligatoires dans le cadre du vote du budget primitif. C'est-à-dire que vous aurez ces éléments-là lors du vote du budget primitif. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de préciser en introduction que nous étions au stade du ROB et non pas du BP. Donc, vous avez le tableau des dépenses, d'investissement. L'emprunt servira à financer l'investissement. En ce qui concerne la dette, effectivement, on essaye de maîtriser le plus possible. On essaye d'emprunter le moins possible. Et force est de constater que depuis 2020, chaque année, on emprunte moins. Si on pouvait emprunter zéro, croyez-moi qu'on emprunterait zéro. Donc voilà, donc en fait, je pense que il y a une incompréhension de votre part sur ce qu'est un rapport d'orientation budgétaire. Ensuite, me dire à moi que ce document, vous ne savez pas. En fait, je me suis permis de vous dire que le document qui est présenté ce soir m'a été proposé par la direction générale. C'est le document qui est présenté lors de chaque robe par le maire de Trappes, qui est un de vos amis. Mais non, mais en fait, quand quelqu'un fait quelque chose de bien... C'est une obsession. Non, je ne vous ai pas interrompu. Ce n'est pas une obsession. C'est qu'à un moment donné, on essaye... En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on essaye tous les jours de s'améliorer. Mais si vous continuez, je demande une interruption de séance. À chaque fois que vous parlez de Trappes, on va faire pareil. Ben non, moi je ricane pas lorsque vous parlez, Madame Desbordes-Silly. Gardez votre self-control, ça va bien se passer. On essaye de s'améliorer par rapport à ce qui se passe dans ce qui est fait dans les villes voisines. Donc Trappes, c'est un peu loin, mais effectivement, on a une direction générale qui est issue de Trappes, qui nous propose d'avoir une présentation différente du budget. Je pense que la présentation du ROB cette année est beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée et beaucoup plus transparente que les autres années. Voilà, donc après, libre à vous de penser qu'on cache des choses, mais je ne vois pas pourquoi la présentation qui est identique à celle d'Ali Rabé serait moins transparente que celle d'Ali Rabé, par exemple. Bon, permettez-moi simple. Moi, je voudrais juste dire que, étant particulièrement... ne comprenant particulièrement rien en général aux finances, quand on nous a présenté ce rapport justement il y a quelques semaines en bureau municipal, on a été plusieurs à remercier et à saluer le fait que pour une fois ça nous semblait clair. Et vraiment, je suis la plus chèvre sur ces questions-là. Donc, vous êtes très forte. Et je disais simplement, je voulais moins que vous et sur beaucoup moins de sujets. Moins forte que vous et sur une moins grande variété de sujets, c'est sûr. Mais je disais juste que j'avais réussi à le comprendre, en tout cas. Je le trouvais précisément beaucoup plus clair et beaucoup moins opaque que les années précédentes. Je voulais simplement ajouter que, effectivement, vous n'avez pas d'obligation de communiquer les ratios. Il y a tout un tas d'éléments qui seront présentés le 4 avril que vous n'êtes pas obligé de nous présenter. Mais par souci de transparence, de vulgarisation, de compréhension, ça ne coûte rien de présenter des informations supplémentaires qui éclairent le débat. C'est un débat. De quoi peut-on débattre dès lors qu'on ne comprend pas l'ensemble des arbitrages que vous faites? C'est tout. Bon, après, je suis la seule à le penser. C'est Eric Pape et M. Vionnet. 1, 2. Sincèrement, moi, je vais rejoindre les propos de Caline. Ça fait 10 ans que je suis élu. Bah oui. Je vais vous donner mon opinion. En plus, je l'ai exprimé en bureau municipal, donc ça va surprendre personne de la majorité, mais vous n'étiez pas dans le bureau municipal, donc je vais vous faire l'écho. En 10 ans, et je sais très bien qui présentait auparavant ce genre de notes, j'ai exprimé le fait que c'était la première fois, et j'en étais ravi, et j'ai remercié la direction générale, d'avoir une qualité de présentation, une transparence dans les chiffres, une explication qui me paraît simple, mais pas simpliste, et que c'était un vrai plaisir de découvrir ce ROB. Après, vous êtes dans une posture. Je pense que vous exagérez un tantinet quand vous dites qu'on essaie de cacher des choses. En fait, on ne cache strictement rien, et vous aurez effectivement les indicateurs au moment opportun. En fait, vous nous reprochez de ne pas aller plus loin, si je comprends bien, mais sincèrement, on n'a jamais eu une telle qualité de présentation. Et honnêtement, modestement, je tiens à remercier la direction générale, la direction des finances, pour la qualité du travail. Monsieur Vionnet. Oui, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être trois petites remarques anecdotiques sur la séquence auquel nous venons d'assister. D'une part, comme d'habitude, vous avez interrompu à plusieurs reprises notre collègue Angeline Sillie-Desbordes. Je vous ai aussi vu rire à un moment avec vos voisins de derrière et nous n'avons pas demandé une suspension de séance. Et d'ailleurs, par parenthèse, ce que vous avez fait tout à l'heure, j'en ai pas très bien compris le sens. Mais par contre, ce que je trouve, vous apprêtez à m'interrompre comme d'habitude, ce que moi tout à l'heure, par rapport à ce que vous avez affirmé, je pouvais avoir envie de vous interrompre, mais je me suis dit que j'aurais la parole ensuite et que je ne vous interrompais allez-y. Pas. Allez-y. Et donc, oui, j'ai pas, bon, mis à part le fait que j'ai pas très bien compris, je trouve que c'est pas très respectueux pour les gens qui font l'effort de venir dans la salle. Et ceux qui nous regardent, parce que du coup, ils ont passé des minutes et des minutes à attendre que ça reprenne. Et franchement, j'ai cru voir que pendant ce temps, il y avait des choses à manger et à boire dans l'antichambre. Mais je trouve comme dans beaucoup de collectivités, comme dans beaucoup de mairies. Peut-être, mais je trouve que ce n'est pas très respectueux. Alors, en fait, je vais vous interrompre tout de suite et je ne vous interromperai plus. Ce qui est irrespectueux, c'est de ricaner comme vous et votre voisine l'avez fait lorsque je commence cette présentation budgétaire. Ça, c'est irrespectueux. Dire que je suis obsessionnel, c'est irrespectueux. Donc, c'est vous qui êtes irrespectueux. Donc, balayez devant votre porte et après, vous viendrez me donner des leçons de morale. OK ? Et monsieur Vionnet, quant à vous, vous auriez dû me remercier cette année d'avoir respecté l'engagement que j'avais pris l'an dernier, de faire en sorte que ce ROB, que ce débat d'orientation budgétaire puisse avoir lieu en dehors des dates du MIPIM à Cannes pour vous permettre d'être présent. Vous auriez dû commencer par là. Ça, ça aurait été respectueux. Qui a demandé la parole ? Alors, d'une part, allez-y. Je souhaiterais poursuivre malgré votre interruption. Et de toute façon, là, c'est vous qui êtes irrespectueux quand vous mentionnez un déplacement qui n'intéresse personne. Et d'autre part, vous passez le temps, puisque je vous ai juste en face de moi, hein, et donc je vous vois ricaner très régulièrement pendant les conseils municipaux. Donc, si vous voulez, on peut s'amuser à vous filmer et vous donnerez des leçons après. Et vous, oui, bien sûr, mais vous donnerez des leçons quand vous serez vous-même exemplaire. Oui, vous continuez à m'interrompre. Alors, sur le fond, je rejoins tout à fait ma collègue Angeline. On a un document, et moi j'avoue que j'en ai été très troublé quand j'en ai pris connaissance, qui permet beaucoup moins d'appréhender la situation financière de la ville. Alors, j'admets qu'il y a un peu de com, hein, on a eu droit à un PowerPoint, et d'ailleurs le dossier qui nous a été remis, c'est un PowerPoint. Mais on avait autrefois beaucoup plus d'éléments pour appréhender la situation de la ville. Et d'ailleurs, je vous fais grâce de deux choses. C'est que, effectivement, le grand baratin sur la conjoncture internationale, qui était, je pense, comme dans beaucoup de collectivités, copié-collé de rapports par ailleurs, a été allégé. Ça, je vous fais grâce qu'on a ça en moins, et ça n'amenait pas grand-chose. Qu'il y a effectivement des éléments de données chiffrées assez précis, d'ailleurs on a eu l'occasion d'en échanger en commission, et qui relèvent plutôt du budget. Par contre, les aspects nourris du rapport d'orientation budgétaire qui permettaient d'avoir une vision un peu claire de la situation de la ville n'y sont pas, et d'ailleurs moi je sais qu'en préparation, j'ai passé beaucoup moins de temps parce que j'avais beaucoup moins de matière sous la main. Et donc, du coup, j'ai quand même un peu le sentiment d'un débat tronqué où on fait plus de la communication et où on peut beaucoup moins discuter des orientations budgétaires de la ville. Après, je reviens quand même sur deux choses que vous avez dites. Vous dites que le but de ce budget est de préparer l'avenir de Bagnolet. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce qui prépare principalement l'avenir, c'est quand même l'investissement. C'est les dépenses d'investissement qui, par définition, sont structurantes pour l'avenir. On a quand même un budget où le fonctionnement pèse toujours plus que l'investissement dans les budgets de toutes les collectivités. Mais là, on a quand même un rapport d'un fonctionnement qui pèse de l'ordre de 100 millions d'euros et d'un investissement qui pèse une vingtaine de millions d'euros. Et ce rapport n'est pas équivalent dans toutes les collectivités. Deuxièmement, parce que par moment, j'ai toujours un peu le sentiment que vous avez beaucoup d'aplomb pour affirmer un certain nombre de choses, vous dites que votre moins que vous. Vous dites que votre leitmotiv est le service public. Alors, vous faites allusion à des débats sur l'externalisation du service des entretiens ménagers. Quand même, pour que les choses soient claires pour ceux qui nous regardent et qu'il n'y ait aucune ambiguïté, jamais l'opposition n'a proposé une chose pareille. Non, mais je vous remercie de le préciser. Je vous remercie de le préciser, mais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, bon, vous faites état de débats internes à votre majorité, très bien. Nous ne l'avons jamais proposé. Et de la même façon, quand vous parlez d'externalisation, c'est tout de même vous qui avez largement externalisé la restauration municipale à Sodexo. J'ai rien externalisé, pardon, je vous interromps. J'ai pas externalisé la restauration municipale. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a une cuisine centrale avec une vingtaine d'agents, un nouveau directeur, et Sodexo, c'est une centrale d'achat. C'est-à-dire que les produits qui sont fournis par Sodexo sont les mêmes. Nous avons les mêmes prestataires que par le passé, sauf que par le passé, on avait une vingtaine de prestataires en direct hors marché, et là, c'est la Sodexo. Et je vous invite, et certains sont prompts, y compris au sein de la majorité, à nous dire ce qu'il y avait dans le rapport de la Chambre régionale des comptes en 18-19, je vous assure qu'il y a un paragraphe entier sur les denrées alimentaires. Donc nous n'avons pas externalisé la restauration municipale. Bien au contraire, nous l'avons confortée et nous la renforçons. Et nous travaillons avec table commune, je le redis, et c'est mieux en insistant. Bon, je reprends le fil, puisque... Comme vous m'avez dit au début, je vous interromps. Et en fait, à un moment donné, je vais vous interrompre. Oui, je vous interromps. Vous en fait, moi, j'internalise. Moi, j'internalise. Par exemple, je viens d'internaliser l'entretien ménager du centre de santé. Depuis des années, nous avions un prestataire extérieur qui était défaillant. Nous avons internalisé. Donc, si vous voulez, à un moment donné, on est pragmatique. On regarde ce qui est efficace, ce qui n'est pas efficace. Et lorsqu'il faut internaliser, nous internalisons. Je vais donc reprendre le fil. Vous m'aviez dit au début que vous ne m'interromperiez qu'une fois. Je vois que c'est récurrent. Et d'ailleurs, je vous fais constater que quand vous m'interrompez, je ne vous interromps pas dans vos interruptions. Et après, vous parlerez de respect. Et de la même façon, vous parlez de respect en me disant que je dis n'importe quoi. Est-ce que je vous dis que vous dites n'importe quoi? Et ensuite, je pense que chacun est juge dans cette ville du grand succès. Continuer à interrompre. Non, mais de toute façon, c'est une vieille technique qui est bien connue, hein, que pour empêcher quelqu'un de dérouler sa pensée, on l'interrompt toutes les 30 secondes. Vous le faites de manière très récurrente avec moi, j'en prends acte. Donc, et puis je pense que chacun jugera du grand succès qu'est l'intervention de Sodexo dans la cuisine municipale. Et certes, il y a encore des agents, mais on sait très bien, puisqu'on a eu l'occasion d'en débattre ici, que vous avez choisi un prestataire qui fait tout, même les menus, même l'éducation au goût, et je me souviens que certains avaient même trouvé ça étrange. Donc c'est un fait sur lequel je n'ai pas besoin d'insister. Les bagnoletais s'en sont bien rendus compte. Alors ensuite, sur les éléments de contenu budgétaire, de contenu d'orientation budgétaire, pour autant qu'on peut en juger vu le caractère assez flou du document, vous nous annoncez effectivement cette année un magnifique excédent de fonctionnement, plus que jamais depuis votre élection. Bon, alors d'une part, on peut trouver qu'il y a un peu de situation paradoxale, parce que dans la demande récente des agents pour bénéficier d'une prime, vous avez répondu que vous n'aviez pas les moyens. Et là, vous nous annoncez de l'excédent de fonctionnement. Mais surtout, moi, j'arrive pas très bien, avec les éléments que vous nous donnez, à comprendre d'où il vient. Parce que quand on regarde le tableau de la page 189, on passe donc de recettes de fonctionnement de 99,6 millions d'euros par rapport à 94,6 de réalisés l'année précédente. Donc si mes souvenirs de calcul mental fonctionnent, ça fait 5 millions d'euros. D'où vient cette augmentation des recettes de fonctionnement ? Si mes souvenirs sont bons, quand je vous ai posé la question en commission finance, vous m'avez répondu à quasiment 100% de l'augmentation des impôts et taxes. Donc effectivement, l'augmentation des bases par l'État provoque une augmentation qui, comme vous l'avez montré à l'écran tout à l'heure, est d'environ 2 millions d'euros. Donc 2, ce n'est pas 5. Et j'ai regardé en détail pour le peu de détails dont on disposait. Il y a effectivement quelques augmentations de dotation de l'État. Effectivement, cette année, vous ne pouvez pas vous en plaindre trop puisqu'elles augmentent. Mais ces augmentations, si on additionne, si mes calculs sont justes, DGF et DSU, c'est une augmentation d'à peu près 250 000 euros. Donc on est très loin de 5 millions d'euros. Donc j'avoue, moi, ne pas très très bien comprendre d'où vient cette augmentation un peu magique. Alors cela dit, déjà l'an dernier, vous étiez très optimiste sur les recettes de fonctionnement, puisque d'ailleurs c'est ce qui vient d'être mis à l'écran. Vous nous annonciez à environ 98 millions d'euros de recettes de fonctionnement. Or, il y en a eu qu'environ 94 de réalisés. Donc on voit bien qu'il y avait un certain optimisme dans les prévisions. Ensuite, sur la question de l'investissement, donc on a dit qu'il est en proportion relativement modeste, et il est pour presque de la moitié consacré au groupe scolaire Pêche d'Or. Alors, vous avez rappelé... comment ? Oui ? Ça répond à votre question d'où sort l'excédent. C'est l'excédent des autres années, ça se cumule. De la même manière qu'en investissement, ça se cumule en moins, là, ça se cumule en plus. Mais il n'en demeure pas moins que votre prévision de l'an dernier était 4 millions supérieure au réalisé, si vos chiffres sont fiables. Donc, j'étais en train de dire, sur l'investissement, presque la moitié est consacrée au groupe Pêche d'Or, et même si vous avez évoqué d'autres sujets, on voit bien que sur les autres sujets, ce que vous nous avez parlé de priorité pour l'éducation, sur les autres sujets d'école, je pense en particulier à Langevin, on a encore cette année que des crédits d'études, hein, et d'ailleurs qu'on voit rituellement chaque année, il y a des crédits d'études et il n'y a pas de crédit d'investissement. Donc aujourd'hui, l'investissement municipal, il est essentiellement concentré sur Pêche d'Or. Alors ensuite, sur la question de l'encours de la dette. Alors d'abord, vous êtes quand même dans une situation où chaque année, vous nous annoncez que l'an prochain, ça ira mieux. Puisque, par exemple, dans votre présent ROB, vous nous dites vous allez être à 142 millions d'encours de la dette. Or, dans le ROB de l'an dernier, ainsi qu'on l'a d'ailleurs noté avec ma collègue Solène en commission, vous nous annonciez que ça serait 136. Alors, vous nous avez répondu en commission, je crois avoir encore un petit peu de mémoire, « Ah ben oui, mais c'est parce qu'on a fait 6 millions d'euros de prêts. » Mais en même temps, quand on regarde les robes successifs, vous êtes toujours dans la mécanique de nous annoncer que, chers amis, vous allez voir, ça va être merveilleux, l'an prochain, ça baisse. Et encore cette année, vous le faites, puisque vous nous annoncez qu'en 25, on sera à 134, donc à 8 de moins, alors que vous nous annoncez que vous allez reprendre 5 de plus. Donc, soit je ne sais pas compter, soit... Mais on rembourse aussi. Je pense qu'il y a on rembourse même, aussi. Qu'il y a quand même un souci. Il n'en demeure pas moins que la ville... alors, justement, vous nous avez, et vous venez de remettre à l'écran, la différence entre les montants que vous inscriviez et les montants que vous réalisez. Alors, effectivement, depuis 2020, vous inscrivez annuellement des montants assez faramineux de nouvel endettement, 25 millions, 23 millions, 12 millions, etc. Alors, OK, vous vous vantez tout à l'heure d'en réaliser moins. Mais tout de même, dans la ville de Bagnolet, qui est devenue depuis votre élection la ville la plus endettée de France, vous réalisez depuis le début de votre second mandat, et ça c'est les chiffres mêmes que vous affichez à l'écran, 6 à 9 millions d'endettements supplémentaires par an. Alors vous nous dites cette année on va faire un peu moins. Très bien, mais vous en faites encore significativement. Et c'est vrai que du coup, moi, la question que je me pose, et que je vous ai d'ailleurs déjà posée en commission, c'est, mais à quoi servent-ils ? Parce qu'effectivement, l'investissement principal, c'est Pêche d'Or. Il se trouve que Pêche d'Or, comme c'est le seul équipement public significatif réalisé dans le dossier ANRU, et qu'on sait que dans les conventions ANRU, il y a des financements significatifs, et qu'en plus, la région... on a remis en complément, comme elle le fait usuellement pour des équipements publics en dossier ANRU, Pêche d'Or est objectivement un investissement bien cofinancé. Et d'ailleurs, vous avez fait dans votre petit document communicationnel un focus financement sur Pêche d'Or, et ce n'est pas par hasard que vous faites le focus sur Pêche d'Or, parce que c'est le seul investissement très très bien financé. Mais du coup, à partir du moment où l'investissement principal est bien cofinancé, et tant mieux, cet endettement que vous prenez chaque année à 9 millions, 7 millions, 7 millions, 6 millions, 5 millions, on peut s'interroger sur ce qu'il finance récemment. Alors, vous m'avez répondu en commission tout le reste. Hein, si je crois avoir noté votre réponse, donc c'est... Me voilà bien renseigné avec tout le reste. Et puis, dernier élément, parce que ce n'est pas nécessairement très réjouissant aujourd'hui, mais on peut quand même sérieusement craindre dans l'avenir, vous écrivez, page 205, pudiquement, situation particulière à Bagnolet, hein, je vous cite, hein, j'ai le texte sous les yeux, au cas où ma mémoire défaille. Situation particulière à Bagnolet, trois emprunts in fine. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ne l'auraient pas en tête, c'est les prêts de la Deutsche Bank à 30 millions d'euros. Et vous, c'est écrit comme si c'était une espèce de, je sais pas, de calamité naturelle qui se serait abattue sur Bagnolet à l'insu de votre plein gré. Bon, tout le monde se souvient tout de même que ces prêts, in fine, c'est ma dernière phrase, donc si vous me laissez finir sans m'interrompre. Ça va venir. Ces prêts, in fine, c'est vous qui les avez contractés. Absolument. Et que, du coup, aujourd'hui, on est dans une situation où on sera face à un mur de remboursement à l'échéance, in fine, de 2030 et qu'il n'y a strictement... aucune provision pour cela dans le budget. D'ailleurs, nous l'avons cela aussi réévoqué en commission. Alors, vous nous aviez dit certaines fois, mais c'est le trésor public qui ne veut pas, ce qui m'avait toujours semblé très étonnant, parce que normalement, un fonctionnaire normalement constitué du trésor public souhaite plutôt qu'une ville provisionne des remboursements de dettes, mais votre directrice des finances a quand même dit en commission que de toute façon, il n'y avait pas les moyens de le faire aujourd'hui. Donc voilà, donc pour finir, parce qu'il y a d'autres choses que nous dirons sans doute à l'occasion du débat budgétaire au prochain Conseil, moi tout ça, l'impression quand même d'un document qui, même si vous l'avez amélioré en communication et que vous aviez peut-être pris des exemples de communication ailleurs, me semble beaucoup un écran de fumée et surtout avec des éléments qui sont quand même toujours extrêmement inquiétants, notamment sur la dette. Alors, si vous me permettez, tout ça pour ça, monsieur Lionel. Je pense que vous êtes un peu plus spécialiste d'immobilier que de finances locales. Dans toute votre démonstration sur l'emprunt, l'investissement, vous oubliez juste un élément. En finances locales, il y a une dépense qui est obligatoire chaque année au budget, c'est le remboursement de la dette. Donc chaque année, on rembourse en fait. Oui, on emprunte, mais on rembourse aussi. Et notre ligne budgétaire qui nous amène à rembourser, on rembourse 8 millions. Donc forcément, à un moment donné, lorsque on emprunte moins, ben forcément, on se désendette légèrement. Et donc, dans toute votre argumentation, vous oubliez juste de dire que chaque année, on rembourse de l'emprunt. C'est quand même assez formidable. C'est-à-dire, je ne sais pas qui est dans une situation communicationnelle, ou etc., mais en tous les cas, votre démonstration est complètement hallucinante. Vous voulez le détail des investissements, vous expliquez qu'on privatise la cuisine centrale. On a fait 310 000 euros de travaux à la cuisine centrale l'an dernier, on va en faire 200 000 euros cette année. Donc si vous voulez, et c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire aux agents lorsque je suis allé les rencontrer sur site, si on avait l'intention de vendre la cuisine centrale, on s'y prendrait différemment. Donc on a un bijou et on essaye de l'améliorer. Et en tout état de cause, on va le garder. On investit 700 000 euros chaque année dans les écoles. C'est pas assez, mais c'est concret. Et en fait, vous voudriez essayer de démontrer qu'on fait rien, qu'on rembourse pas, qu'on est dans une gestion, suicidaire. Je rappelle quand même que l'année dernière, vous avez... C'est vous qui le dites, c'est trop longtemps. Non, je me permets de rappeler à tout le monde que l'an dernier, vous avez saisi le préfet à la suite du vote du budget primitif, et que ça a fait pchit, et que lorsque nous avons eu la réunion au réseau d'alerte, on nous a dit, bon, votre situation est difficile, mais elle est un peu meilleure que l'an dernier. Donc je ne doute pas un seul instant qu'encore cette année, vous saisirez le préfet. Donc saisissez le préfet sur le budget, comme vous l'avez fait l'année dernière, et vous en aurez sans doute le même résultat. Donc voilà, donc à un moment donné, monsieur Vionnet, plutôt que de raconter des inepties, essayez d'avoir des choses un peu précises sur ce qu'est le budget d'une collectivité locale. Je pense que c'est bien pour tout le monde. Peu de gens nous regardent, peu de gens nous écoutent, mais essayons en fait d'avoir des débats sérieux sur des bases sérieuses, parce que là, vous racontez absolument n'importe quoi. D'autres interventions. Édouard de Noël. Si je peux juste... Édouard de Noël, si vous me permettez 30 secondes, et ça va vraiment durer 30 secondes. Bon, toujours, tout à l'heure, vous donniez des leçons de respect, donc je raconte n'importe quoi, je dis des inepties, ce que je dis est hallucinant. Ouais. Moi, je ne me permets jamais, d'ailleurs, vous pouvez reprendre les différents éléments de verbatim des conseils municipaux. Et je lis votre acte, en revanche. Je ne vous accuse jamais... personnellement, je lis votre acte. D'être incompétent ou de rien maîtriser un jour en finance et l'autre jour sur autre chose. Et d'ailleurs, vous le faites, là, vous venez de le faire à mon encontre. Je le fais. Mais vous le faites systématiquement. Je vous le dis, mais je le fais. Et vous le faites systématiquement auprès des membres de l'opposition. Donc tout ça est formidable. Je finis juste ma phrase. Tout ça est formidable. Nous sommes totalement incompétents. Et vous, vous êtes omniscient. Et d'ailleurs, vous êtes tellement omniscient que plus le mandat avance, plus vous allez de délégation en direct. Vous êtes maire, vous prenez les RH, vous prenez les finances. Donc tout ça est merveilleux. Bagnolet se réjouit. Il est doté d'un maire omniscient. Je suis ni omniscient, ni infaillible. En fait, monsieur Vionnet, votre problème, c'est le courage. Vous avez un vrai problème, c'est le courage. C'est qu'en fait, vous passez votre temps à écrire des torchons dans des tracts et vous osez dire là, publiquement, que vous ne m'attaquez pas personnellement. Mais relisez vos tracts, monsieur Vionnet. Assumez-les. Vous avez le droit de critiquer, vous êtes dans l'opposition, mais assumez-les. Donc moi, les choses, je vous les dis en direct, publiquement, en face. Édouard de Noël. Vous trouvez qu'au conseil municipal, je n'ai jamais le courage de prendre la parole et de m'opposer à vous. Non, mais j'en prends note. Pas la même chose. J'en vous prends dites note. Pas la, vous dites si pas vous, la même chose si vous que considérez vous écrivez. Que je suis un opposant trop mou, vous, je vais, vous, je vais essayer fait, de m'améliorer. En fait, vous êtes beaucoup plus insultant dans votre acte et dans vos écrits que dans vos prises de parole. Édouard Denon. Alors, un petit élément de correction quand même, avant d'avoir un propos rapide sur le débat d'orientation budgétaire. Investissement école, ce n'est pas que 700 000 euros. Il y a en plus 150 000 euros de réfection pour la toiture de Barbus. On n'a pas inclus là-dedans le quasiment demi-million sur les végétalisations de cours d'école. Et on pourrait... voilà, donc on est en fait... on est plus loin que les 700 000 euros dans le bloc travaux école. Quelques éléments quand même sur ce débat d'orientation budgétaire qui est là pour fixer un cap. Et effectivement, il ne contient pas d'arbitrage finaux, mais le contexte et les orientations du budget qui seront soumis à nos voix le 4 avril. J'y tiens quand même. Il convient en premier lieu de rappeler le contexte. Un contexte d'abord international, avec des tensions régionales qui ont contribué à ne diminuer ni le prix de l'énergie, ni le prix des transports. Rapporté à notre ville, comme à la vie des bagnoletaises et des bagnoletais, tout ça n'a qu'une conséquence, l'inflation. Renchérissement de l'électricité dernièrement, celui du gaz continuellement, celui des matériaux de construction notamment, qui ont des conséquences directes sur la vie des gens et sur celle d'une commune comme la nôtre. Ensuite, contexte national, puisque vous l'avez entendu, les prévisions de croissance du gouvernement étaient notoirement surévaluées, trop optimistes pour 2024, et l'anticipation des recettes fiscales était en net, très net décalage avec la réalité de la collecte de l'impôt. Tant et si bien que le ministre des Finances, vous l'avez vu, a annoncé une coupe violente, on dit pudiquement des annulations de crédit à hauteur de 10 milliards d'euros, et on peut être assuré dès à présent que 2025 sera encore plus rude. Il est utile de préciser deux choses d'abord. Ces choix de coupe sont des choix de droite, sont des choix conservateurs qui affectent l'école publique, qui affectent les politiques écologiques que la France était pourtant engagée à mener de toute urgence, tout en maintenant par ailleurs les budgets de la sécurité ou les cadeaux fiscaux aux ménages les plus aisés et aux grandes entreprises. Et ces choix de coupe, ils ont un deuxième impact. Il est direct, il est sur les collectivités territoriales. L'Association des maires de France s'alarme. Elle dit par exemple que les crédits affectés à la transition écologique paient un lourd tribut, portant une contradiction entre la volonté d'accélération de la transition et la réalité du budget qui y est consacré. L'AMF évoque par exemple le fonds vert qui va être amputé largement, mais aussi les crédits qui sont au programme prévention des risques, qui est en discordance avec l'ampleur des dernières catastrophes naturelles, sécheresse, inondation, sécheresse, réfraction d'argile, on en connaît quelque chose à Bagnolet. Mais donc revenons plus précisément au contexte budgétaire bagnoletais. Comme chacun le sait, on l'a dit, dans ce budget, il y a des dépenses courantes, un budget de fonctionnement et des dépenses d'avenir qu'on peut appeler budget d'investissement. Concernant le fonctionnement, l'instruction liminaire qui avait été donnée au service de réduire le fonctionnement uniformément à 5% ne nous paraissait pas cohérent avec l'idée selon laquelle on marque des objectifs politiques qui sont reflétés dans un budget. Donc ainsi, nous avons souhaité maintenir les crédits alloués à l'éducation, à la jeunesse ou à la santé, par exemple. Mais si les efforts de gestion courante sont nécessaires, il arrive un temps où les dépenses courantes de fonctionnement ne peuvent pas être comprimées indéfiniment. Et pour dégager des marges de manœuvre supplémentaires, c'est alors le périmètre des ressources humaines qui en serait affecté. Mais là, je souhaite d'abord m'attarder sur l'investissement. Nous allons avoir des débats dans la construction budgétaire sur cette notion et sur les priorités du mandat. Nous avions défini des priorités qu'il convient de garder en vue, pris des engagements qu'il convient de tenir, nonobstant un certain nombre d'aléas, on en a déjà vu, qui peuvent survenir. Alors ici, nous serons vigilants à trois enseignes. D'abord, faire des choix et des arbitrages clairs, en cohérence avec les engagements pris devant la population. Ensuite, garder en vue l'investissement dans le rééquipement, mais aussi dans la renaturation de la commune. Et puis enfin, garder en tête notre situation financière qui n'échappe à personne, à nous de mieux associer la population à cet enjeu et peut-être d'ouvrir dès à présent le débat au-delà du conseil municipal et ce débat à 39. Parce que finalement, faire un budget, c'est choisir sous contrainte. Et la contrainte, elle est quand même extrêmement forte à Bagnolet. Donc ça ne permet pas de faire des promesses en l'air. Et ça ne permet pas non plus de dire c'est bien comme ça. Donc c'est ce qui nous incombe, c'est de prendre notre part à essayer d'avoir continuellement l'ambition de faire mieux et de garder en tête cet impératif. Je vous remercie. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à toutes. Tout d'abord, nous ne prononcerons pas pour le rapport d'orientation budgétaire, ni contre d'ailleurs. Nous prendrons simplement acte de sa présentation. C'est la loi, je précise cela, du fait de la formulation erronée de la note et de la délibération. L'Europe énonce une série d'intentions et d'objectifs que nous partageons complètement, et je ne vois pas comment on pourrait ne pas les partager. Optimiser les dépenses de gestion, adapter la masse salariale aux objectifs de services publics fixés par la municipalité, accroître la diversité des financements de la commune par la recherche systématique de subventions, limiter le recours à l'emprunt afin de limiter la charge de l'endettement, dégager une épargne nette positive, ce que l'on retrouve aussi dans les orientations budgétaires municipales, notamment maintien de la masse salariale, maîtrise de la dette et de l'emprunt, recherche de financement pour la réalisation de projets. Tout cela est bel et bon. Toute la difficulté est de parvenir à le faire. Ce ne sera pas simple. Quand je vois un solde de budget, du budget de fonctionnement de plus de 11 millions d'euros prévu pour 2024, cela me semble difficile à atteindre. Pourquoi ? En 2023, nous avions prévu 97,9 millions de recettes de fonctionnement. Nous avons réalisé 94,6, soit 3,3 millions de moins. Pour les dépenses, c'est l'inverse. Nous avions prévu 87,8. Nous avons réalisé 88,4, soit 0,6 millions de plus. Moins de recettes donc et plus de dépenses que prévu. Le solde prévu était de 10,1 millions. Le solde réel a été de 5,8 millions, soit un peu plus de la moitié. Cela doit nous inciter à la prudence pour nos prévisions pour 2024. Nous sommes préoccupés par le niveau de la dette de la ville, comme nous l'avons déjà dit à nos collègues de la majorité municipale. La dette n'est pas un problème en soi. Il est normal de s'endetter pour construire des équipements publics utiles à la population, par exemple. Aussi, nous avons soutenu en début de mandat les emprunts nécessaires à la réalisation du programme de renouvellement urbain au Malassis et à l'Anou. D'autant que les dépenses de la ville, d'autant que les dépenses de la ville, ont permis aussi d'obtenir des financements conséquents dans le cadre du programme national de rénovation urbaine. Ce qui pose problème, c'est le niveau atteint par cette dette. 147 millions d'euros en 2023, montant sur lequel il n'y a pas de décrue significative depuis 2020 et qui est difficilement soutenable pour notre ville. Nous voyons et nous apprécions positivement la diminution depuis 2020 du montant des nouveaux emprunts annuels. Cela va dans le bon sens. La proposition encore de limiter encore ce montant en 2024 va également dans ce sens et nous la soutenons. Mais le tableau présenté de la diminution de la dette par année de 2024 à 2028 produit un sentiment de sécurité trompeur, car il n'intègre pas les emprunts réalisés année après année. Il semble peu probable au rythme actuel que la dette baisse de façon significative dans les prochaines années. Il y a aussi un point d'inquiétude important avec les trois emprunts à rembourser, chacun en une seule fois, en 2031, 2033 et 2035, pour un total de 29 millions d'euros. L'accompagnement technique de France Active est certes le bienvenu, mais il est surtout urgent de commencer à provisionner leur remboursement. Comment s'en sortir alors ? Il y a deux leviers, l'investissement et le fonctionnement. On peut agir sur l'investissement. Nous aurons cette année un seul grand projet financé, la construction de l'école Pêche d'Or. Les autres investissements relèvent plutôt de l'entretien courant et de l'amélioration de nos équipements. Mais de fait, le budget d'investissement est sans doute en hausse. Donc je n'ai pas là sous les yeux le comparatif avec les années précédentes. L'autre levier, c'est le fonctionnement. On peut remarquer que les dépenses de fonctionnement sont remarquablement constantes. Il semble difficile de réduire davantage les charges générales sans affecter la qualité du service public. L'objectif affiché est de maintenir la masse salariale. On peut se demander à la fois si c'est réaliste et si c'est suffisant. La masse salariale représente aujourd'hui 46 millions d'euros sur les 86 millions des dépenses de fonctionnement. Pour sortir les finances communales de la zone de danger, il faudrait réduire la masse salariale. Disant cela, je ne me positionne pas contre le service public local, bien évidemment. Peu ou prou, nous sommes toutes et tous ici des défenseurs du service public. C'est dans l'ADN de la gauche et des écologistes, et je m'en réjouis. Pour ma part, j'ai une expérience particulière. Je suis sans doute le seul à la voir de cette façon dans cette salle. J'ai l'expérience d'avoir créé un nouveau service public, la Régie publique de l'eau d'Est Ensemble, avec le soutien de longue date des citoyens, des associations et une décision unanime des élus d'Est Ensemble en 2022. Tout cela pour vous dire d'où je parle. Je ne souhaite pas la mort du service public. Mais alors, comment réduire la masse salariale? Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une question de périmètre. Réduire le périmètre, cela voudrait dire soit abandonner purement et simplement des activités utiles à la population, ce qui n'est pas souhaitable, soit les passer au privé, ce qui, in fine, coûterait plus cher et ne donnerait pas forcément satisfaction. Il faut se concentrer sur le fonctionnement de notre service public local et le changer en profondeur. Nous savons tous qu'il y a un absentéisme chronique et important avec des situations d'attente de reclassement qui perdurent bien trop longtemps, par exemple. Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, il y a trop d'agents dans la nature depuis longtemps. Je ne vais pas détailler davantage cette question car ce n'est ni le lieu ni l'objet de cette réunion. Mais cette situation pèse sur la grande majorité du personnel qui travaille et qui est mis en difficulté. À preuve, s'il en fallait une, le récent et long conflit social avec les agents d'entretien des écoles. Je suis tout à la fois pour la réduction de la masse salariale et pour l'embauche de personnes qualifiées sur des tâches précises selon les besoins du service public. Ce n'est pas contradictoire. Bien sûr, la crise sociale actuelle au sein du personnel a des conséquences sur la qualité du service et rejaillit sur la population. Encore une fois, il faut se concentrer sur le fonctionnement de notre service public local et le changer en profondeur. Ce n'est pas une découverte, cela ressortait notamment de l'audit réalisé en début de mandat par le bureau d'études Talisker. On le dit depuis longtemps et maintenant il faut le faire. Nous sommes collectivement au pied du mur. J'étais en train de consulter les recettes réalisées en fonctionnement et les dépenses réalisées en fonctionnement. Je pense qu'on ne doit pas avoir la même lecture du réalisé, parce qu'on est sur des réalisés extrêmement élevés. Et je pense que vous ne saisissez pas que dans le report, il y a les reports des années précédentes. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis permis de relever les 6,8 millions de reports des années précédentes qui viennent effectivement gonfler à plus de 11 millions le résultat en fonctionnement. Mais je vous assure, consultez les ratios budgétaires en termes de réalisation et vous verrez qu'on est haut en fonctionnement en termes de dépenses et en termes de réalisés. D'autres interventions? Pas d'autres interventions? Donc, le débat aura à nouveau lieu au moment du vote du budget. Nous aurons également une présentation détaillée. Nous aurons les ratios et vous pourrez consulter le niveau des dépenses réalisées tant en fonctionnement et en investissement, et vous verrez que nous sommes plutôt... Voilà. Donc on prend acte de la présentation, effectivement, cher Jean-Claude, de la présentation de ce ROB. Pardon ? Ah, mais il faut le voter. Donc il faut voter qu'on prend acte de la présentation du ROB. Voilà. Donc je vous demande de voter et de prendre acte de la présentation de ce ROB, c'était la petite nuance. Ensuite, délibération suivante, annulation de créances. Est-ce que vous avez des remarques sur cette délibération? Pas de remarques, je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, convention constitutive d'un groupement de commandes pour la passation d'un accord cadre à bon de commande relatif à des prestations de nuitée d'hôtel pour la mise à l'abri de personnes victimes de violences conjugales. C'est une délibération extrêmement importante. Cédric. Alors j'espère, Madame Desbordes-Silly, puisque vous m'avez interpellé tout à l'heure pour rappeler que j'étais un homme, que j'aurai la légitimité de bien présenter cette délibération. Les communes de Bagnolet, des Lilas, de Romainville, avec leurs CCAS respectifs, souhaitent mutualiser une partie de leurs achats en créant un projet d'innovation sociale pour lutter contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales à l'échelle du territoire. Effectivement, c'est une délibération très importante, monsieur le maire. Les vertus de cette convention est une rationalisation des dépenses publiques. On peut y voir un sujet qui suit effectivement l'Europe. Mais surtout, et c'est certainement plus important, un meilleur accompagnement des femmes victimes de violences. De façon pratique, il s'agit de recourir plus facilement à des prestations de nuitée d'hôtel pour une mise à l'abri plus efficiente. Il s'agit donc d'un dispositif d'hébergement d'urgence à l'échelle du territoire sur les trois communes que j'ai citées tout à l'heure. Merci. Des remarques, des observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Nous avons une série de délibérations qui concernent la restauration du personnel communal. Donc la première délibération concerne le renouvellement de la convention avec le restaurant Bon Sens, ce que ça appelle des observations. Monsieur Vionnet. Oui, nous voterons bien entendu l'ensemble de ces délibérations, hein, puisque ça va de 6 à 13, donc je n'interviens qu'une seule fois. J'ai entendu votre passe d'armes tout à l'heure suite à l'intervention d'Edith Félix. Je crois me souvenir aussi que nous voterons d'autant plus que je crois que la première fois qu'il y a eu une délibération, elle ne concernait qu'un établissement. Il n'y en avait pas assez. Et que nous avions, je crois, si mes souvenirs sont bons, moi-même suggéré que ça soit avec l'ensemble des établissements. C'est le cas, très bien, donc nous votons avec plaisir. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Je propose de passer aux voix pour la délibération 6, donc le restaurant Bon Sens, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Le Campanile, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Indian Tandoori Masala, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Le restaurant La Toscana, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. L'Antenne, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. L'Art du Bœuf, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Le Bal Perdu, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Et le Voyage du Palais, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. La délibération suivante concerne l'autorisation de recruter un agent contractuel au sein de la direction des finances. Il s'agit d'un poste de gestionnaire comptable. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observation. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Mise à jour du tableau des effectifs. Il s'agit de nous engager, de poursuivre le travail que nous effectuons dans le sens de la déprécarisation des agents d'animation. Donc je pense que le vote ne pourra qu'être unanime puisque nous sommes tous, n'est-ce pas, attachés au service public. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus ? Pas d'observation ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, garantie des emprunts contractés par Vilogia pour les 5 logements sociaux rue des Rigondes. Édouard de Noël. Bonsoir à nouveau. C'est une délibération, certes traditionnelle, délibération sur les garanties d'emprunt. Il s'agit là de 5 logements en PLS, dans la rue des Rigondes. Je voulais juste profiter de cette délibération au moment où la loi SRU est menacée pour faire un petit focus sur un des dispositifs du logement social. En l'espèce ici, le PLS, on a l'habitude de passer rapidement sur les sigles. Juste redire ce que c'est que le PLS. C'est du logement financé par un prêt locatif social et c'est ce qu'on nomme, en somme, le logement intermédiaire. C'est généralement destiné aux personnes de la classe moyenne comme des familles qui ne sont pas en capacité de rentrer en location HLM parce qu'elles ont des revenus trop élevés, mais qui ont des revenus trop faibles pour réussir à se loger dans le secteur privé. Donc on est sur l'intermédiaire et il y a certaines conditions en l'espèce qui doivent être respectées pour que le logement soit considéré comme intermédiaire. Il doit être donc destiné à ces personnes de classe moyenne situées dans une zone tendue et respecter un plafond de loyer. Voilà, c'était pour préciser un peu l'objet de ce produit, je mets des guillemets, du logement social. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Monsieur Vionnet. Oui, comme nous le faisons toujours, nous voterons, comme nous le faisons toujours pour les garanties d'emprunt sur des projets de logements sociaux, nous voterons cette délibération. Et effectivement, à un moment où la loi SRU est de manière quand même assez étonnante remise en cause, puisque aucun gouvernement, même de droite, ne l'avait remise en cause comme elle est remise en cause actuellement, puisque effectivement, comme vient de le dire Édouard Desnoëls, d'une part, le logement social, dans ses fondements historiques, est universel, c'est-à-dire qu'il a un contour d'assiette de revenus qui permet de loger une grande partie de la population française. Mais en plus, comme ça vient d'être dit, il y a le PLS, qui est une forme de logement social qui s'adresse quand même au cadre, alors que le logement intermédiaire, au sens pur du terme, ne s'adresse qu'à des catégories beaucoup plus fortunées. Et effectivement, l'introduire dans le calcul de la loi SRU aboutit à faciliter le travail d'un certain nombre de communes de l'Ouest parisien notamment, qui ne font aucun effort pour atteindre les pourcentages de logements sociaux prescrits par la loi. Effectivement. D'autres remarques, d'autres interventions ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Ensuite, convention de partenariat entre la ville de Bagnolet et la métropole du Grand Paris pour la mise en place d'une plateforme gratuite de suivi des consommations des fluides. Ce que ça appelle des remarques. Pas de remarques, je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Avenant numéro 12 à la CPA Lanoux. Cédric Pape. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit d'une délibération technique qui concerne la convention publique d'aménagement de Lanoux et plus précisément des biens de reprise non nécessaires à la deuxième phase du projet de renouvellement urbain. Cet avenant permet de proroger la CPA jusqu'en fin d'année 2024 afin de finaliser la vente du local dit Body One et de 4 lots de caves. C'est bon. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations, Monsieur Vionnet? Oui, donc comme sur ce qui est d'habitude trait à cette CPA, nous nous abstiendrons. Bon, là, on constate que c'est la xème prolongation, donc on espère que cette fois-ci, le délai permettra de finaliser cette vente et de clôturer cette convention. Ah, peut-être qu'il y aura d'autres ventes aussi. Hein. Donc, si vous voulez, on est tous contents quand même qu'il y ait des ventes pour venir équilibrer la CPA, et il se pourrait, j'en sais strictement rien, qu'il y ait d'autres ventes et il y aura d'autres avenants. Des remarques, des observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Présentation et signature de la charte de l'agriculture urbaine avec l'EPTS ensemble. Anne de Rugy. J'ai sauté une délib. Après, pardon. Présentation du bilan des émissions de gaz à effet de serre et du plan de transition énergétique et écologique de la ville, Édouard Desnoëls. Alors, ce soir, nous vous proposons d'adopter une importante délibération qui regroupe en son sein deux éléments. D'abord, comme ça a été dit, le bilan carbone de la collectivité, c'est-à-dire un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités de la ville de Bagnolet. Mais aussi, dans ce plan, un plan de transition énergétique et écologique de la ville, qui est décliné, comme vous l'avez vu dans le document, en 30 actions pour la période 2024-2030. Ce document, c'est donc à la fois une photographie des émissions carbone de la ville et la feuille de route pour les réduire. Et comme vous le savez, Bagnolet n'étant pas une île, cette démarche s'inscrit dans plusieurs dynamiques. D'abord, la stratégie nationale bas carbone adoptée par la France, qui donne des orientations pour mettre en œuvre dans tous les secteurs d'activité une transition vers une écologie bas carbone, circulaire et durable. Elle a deux ambitions, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et réduire l'empreinte carbone de la consommation des Français. Et puis par ailleurs, plus proche de chez nous, Est Ensemble, à l'occasion de la révision de son plan climat, air, énergie territorial qui a eu lieu en décembre 2023, a fait se tenir, chose assez inédite, une convention citoyenne pour le climat et la biodiversité qui a là impliqué les citoyennes et les citoyens dans la définition de plus de 200 actions pour préserver le climat et la biodiversité sur le territoire. Donc ce bilan carbone et ce plan d'action pour la ville de Bagnolet s'inscrit dans cette logique. Je vais profiter de cette occasion pour saluer d'abord l'engagement des services municipaux qui ont été mis à contribution pendant plusieurs mois pour élaborer ce document. Mais ce document n'est qu'une étape, puisque maintenant que les objectifs sont fixés, c'est le suivi qui est un enjeu particulièrement important. Ce bilan et ce plan, c'est celui de la collectivité. Il permet de donner un coup d'accélérateur au cœur de la ville à notre ambition de réduire l'impact carbone des activités municipales. Il montre ce que nous avons déjà engagé, ce qu'il reste à faire, et il reste beaucoup à faire. Et bien entendu, ça donne une impulsion, car une part importante des émissions dans Bagnolet sont celles du quotidien, bien au-delà de l'action municipale. Je pense à la rénovation thermique des bâtiments, à la transformation de nos déplacements, à la renaturation des espaces publics, qui sont autant de démarches qui dépassent le fonctionnement municipal. Mais bon, par l'exemple municipal, on peut décliner au local. Et quand on a fait l'option végétarienne quotidienne, saluée dans ce document, on montre une autre façon de manger. Ou quand on fait une rue aux écoles, on montre une autre façon de se déplacer. Donc ce sont bien ces orientations qui sont fixées, qui permettent de donner une impulsion. Mais bien entendu, ce document n'est pas un absolu. Il faut aller plus vite et plus fort et montrer un chemin clair, c'est-à-dire une stratégie concertée avec l'ensemble des actrices et des acteurs du territoire. Et j'y reviendrai prochainement. Et puis, ne nous y trompons pas, si chacune et chacun doit faire sa part, l'impulsion publique est fondamentale pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone. Et le chemin pris, je retrouve mes notes, au niveau national, montre le gouffre énorme qui existe entre l'affichage d'intention et la réalité de l'action publique quotidienne. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure dans mon propos liminaire que le suivi est tout aussi important que l'établissement d'un bilan. Et je suis persuadé que c'est en traçant un chemin local vers une ville apaisée, renaturée, marchable, ouverte aux mobilités douces, soucieuse du confort thermique et de l'air que respirent nos enfants, que nous œuvrerons aussi à notre place à conscientiser chacune, chacun de l'ampleur du défi qui se dresse devant nous. Et ce bilan y participe, certes modestement, mais il appelle à prendre d'autres engagements. Je vous remercie. Merci des remarques. Jean-Claude Olivier. Oui. Il est minuit passé, de fait. Il est minuit passé pour le climat, il est minuit passé pour la biodiversité, il est minuit passé pour le cycle de l'eau, il est minuit passé pour l'artificialisation des sols, il est minuit passé pour la pollution généralisée de l'environnement. Les piliers de la vie sur Terre sont en train de s'écrouler, la catastrophe écologique est en cours. Alors oui, ce plan est nécessaire, comme les agendas 21 il y a quelques années, comme les plans climat, air, énergie, au niveau du territoire, comme le plan eau et climat que nous avons adopté en début de mandat. Oui, toutes les actions proposées sont nécessaires, mais cela ne suffit pas. Il faut changer de vision du monde. On ne peut pas d'un côté adopter un plan avec un certain nombre de mesures pour le climat et de l'autre continuer toutes les autres politiques comme si de rien n'était. Il faut changer de priorité dans toutes les actions publiques. La seconde observation que je voulais faire, c'est que dans ce rapport, comme dans la plupart des mesures concernant le changement climatique, il est question des émissions de gaz à effet de serre, mais on voit très rapidement qu'il s'agit uniquement des émissions de CO2. Je voudrais tout d'abord rappeler que le CO2 est responsable, le gaz carbonique est responsable d'environ 10% de l'effet de serre, la vapeur d'eau de plus de 80% et les autres gaz comme le méthane d'environ 10%. Au-delà de ce choix, il est problématique de réduire la crise écologique à la crise climatique, de réduire la crise climatique au réchauffement climatique, de réduire le réchauffement climatique à la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, de réduire la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à la quantité de CO2 dans l'atmosphère et, au final, de réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère aux émissions de CO2. Pourquoi est-ce un problème ? Outre le fait que les émissions de CO2 ne reculent pas, je ne parle pas du local, je suis dans le global, Ce faisant, on passe à côté de nombreux leviers d'action possibles pour combattre le changement climatique. Je ne prendrai qu'un seul exemple. On veut réduire les émissions de CO2 pour réduire la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère. Très bien. Or, la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère ne dépend pas seulement des émissions. Elle dépend aussi de la consommation de gaz carbonique, du gaz carbonique présent dans l'air par la photosynthèse à l'échelle planétaire. Si dans le même temps on continue, comme c'est le cas actuellement, à réduire le couvert végétal sur la planète et donc la photosynthèse, on peut imaginer réduire les émissions de CO2 et obtenir davantage de CO2 dans l'atmosphère. Tout cela pour dire que nous ne sommes pas condamnés à la catastrophe, à condition de réouvrir la question climatique au-delà des seules émissions de gaz carbonique et d'élargir le champ des actions possibles. Mohamed. Merci, Monsieur le maire. Oui, nous abordons ce plan de transition énergétique et écologique qui est nécessaire, comme il a été dit, à un moment où l'unanimité règne sur le constat de la détérioration de la planète. Ce constat est sans appel. Le changement climatique s'accélère et ses conséquences constituent plus que jamais une menace pour le bien-être humain et la santé de la planète. Cependant, il est crucial de reconnaître que les plus démunis sont et seront les premiers à en subir les conséquences, notamment les canicules, les inondations et les famines, tout en étant les moins responsables. Les plus précaires sont les plus impactés par le dérèglement climatique, alors même qu'ils et elles en sont les moins responsables. En France, selon le CEDD, la Commission de l'économie du développement durable, la consommation des 20% de ménages des plus modestes représente 11% des émissions de CO2, alors que celle des 20% les plus aisés est responsable de 29% de ces émissions. La crise climatique et sociale appelle alors à une réponse à la hauteur des urgences. Et nous devons penser autant l'atténuation que l'adaptation aux effets du changement climatique, qui ne se limite pas au réchauffement, mais porte aussi sur les événements extrêmes, dômes de chaleur, pollution à l'ozone, sécheresse. Ce plan que nous a présenté est censé approfondir et amplifier la transition écologique. Un levier important concerne le patrimoine communal. C'est l'action numéro une de ce plan. Et là, je pense particulièrement aux écoles, parce qu'il est de notre responsabilité de procurer des conditions de travail dignes à nos élèves et aux équipes pédagogiques. Nous avons eu tout au long de l'année des retours de certaines classes insuffisamment chauffées. Dans certaines, la température était vraiment basse, avec des élèves en doudoune. Les bâtiments publics représentent 76% de la consommation énergétique des communes, dont 30% pour les écoles. Et 10% de logements du territoire d'Est Ensemble sont des passoires thermiques, 8% de DPEF et 2% de G. Je le disais, la mauvaise performance thermique nuit au bien-être des enfants et à l'apprentissage. Majoritairement vieux, de 30 à 35 ans, voire plus pour certains, et très énergivores, les bâtiments scolaires demandent des rénovations globales. Et il est vrai, financièrement, c'est un coût, mais c'est un choix politique qu'il faut porter. Ce plan climat englobe d'autres dimensions importantes, telles que les déchets, l'eau, l'agriculture urbaine, les énergies renouvelables et les mobilités. L'urgence climatique appelle à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également à l'adaptation aux effets du changement climatique. Et je vois deux points qui auraient pu voir leur place dans ce plan. L'absence de considération pour le travail en période de canicule, notamment pour le personnel municipal, et l'importance de l'alimentation, particulièrement pour les enfants à l'école, dans la lutte contre la pauvreté infantile et l'obésité. La question du travail, elle est absente dans ce plan. Pour le personnel municipal, travailler lors des pics de chaleur risque d'être pénible, voire impossible. Il me semble nécessaire que nous fassions adapter ce travail en période de canicule. Les effets du changement climatique se font déjà ressentir sur les populations. Sur le territoire d'Est Ensemble, on estime l'augmentation moyenne des températures entre 0,71 et 2,59 degrés Celsius en 2050. Le second point, la question de l'alimentation. Nous en avons parlé de nombreuses fois ici même. Les derniers chiffres dans le tournis. En France, en 2023, près d'un élève sur cinq arrive à l'école le ventre vide. La pauvreté infantile a fait un bond entre 2014 et 2021. La France occupe désormais la 33e position, c'est 39 pays de l'OCDE, selon le dernier rapport de l'UNICEF sur le sujet. En 2022, les Restos du Cœur ont accueilli 110 000 enfants de moins de 3 ans. Je pense qu'il aurait été important d'affirmer dans ce plan le rôle d'une alimentation saine, de qualité, et le poser comme élément central dans nos écoles. Travailler pour raccourcir les circuits d'approvisionnement, offrir des produits de saison, des aliments non transformés ou modifiés, en privilégiant les circuits courts. Ce sont des choix qui contribuent à une meilleure santé et aussi à réduire nos émissions de gaz à effet de serre en limitant les transports. Et surtout lorsqu'on sait qu'à l'échelle nationale, l'alimentation représente 22% de l'empreinte carbone totale de la consommation. Et parce que aussi, 1, l'obésité infantile touche aujourd'hui près d'un enfant sur 6 en France, et que l'équilibre alimentaire dans la restauration scolaire constitue un axe important dans la lutte contre l'obésité. Et 2, les cantines peuvent être un lieu d'éducation au goût, comme aux équilibres qui dépendent de nos choix alimentaires, et que la qualité de l'alimentation servie aux enfants peut avoir un fort impact sur leur santé et leur habitude alimentaire dès leur plus jeune âge. Il manque une feuille. Elle est où ? Je ne l'ai pas prise. Elle a été beaucoup question lors de la Convention citoyenne locale pour le climat d'Est Ensemble et retenue dans la charte adaptée, avec plus de 220 propositions dans ce point, dans ce point pour un territoire résilient qui promeut une alimentation saine. Pour finir, la crise de la COVID-19 a mis en évidence le lien étroit entre le combat pour les droits sociaux et l'épanouissement humain, et le combat pour l'environnement, contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité. Ce combat implique un nouveau mode de développement économique en rupture avec un système capitaliste fondé sur le profit et l'intérêt privé. Conscient de ces nouveaux enjeux écologiques, éthiques, démocratiques, qui pèsent sur le devenir de notre société, nous sommes convaincus de la nécessité d'inventer un nouveau mode de développement susceptible de préserver la planète pour les générations à venir et de garantir le droit à l'accès pour toutes et tous aux biens vitaux, l'eau, l'énergie, l'alimentation. La transition énergétique doit s'accélérer et ne pas demeurer un vœu pieux. Elle ne doit pas être source d'exclusion sociale. La transition écologique exige en particulier un effort de grande ampleur pour réduire l'émission de carbone, un combat nécessaire pour l'avenir de notre planète et de celles et ceux qu'est la peuple, humains et animaux. Merci. Merci. D'autres remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Pardon, allez-y. Merci. Je vais être relativement bref parce que effectivement, dans les interventions précédentes, là, de mes collègues Jean-Claude ou Mohamed, beaucoup de choses ont été dites. Comme ça a déjà été dit, je pense qu'il est important qu'un document comme celui-là existe. Moi, j'ai lu avec attention le diagnostic qui recèle des éléments intéressants. Beaucoup d'entre nous les ont sans doute en tête, mais je les rappelle très succinctement, c'est-à-dire qu'un tiers des consommations viennent de l'énergie. Je pense qu'à Bagnolet, on a la chance d'avoir hérité d'un réseau de chaleur, parce que c'est un vrai atout, et y compris un vrai atout social, mais avec de gros enjeux de décarbonation. Hein, cette mécanique a commencé sous des mandatures précédentes avec l'introduction de bois, elle se poursuit, mais elle a toujours besoin d'être développée. Un deuxième point que signale le diagnostic, mais ça je vais être très très bref, c'est l'importance de l'alimentation, parce que Mohamed vient d'en parler très bien. Et d'ailleurs, le document, je rouvrirai pas le débat qu'on a eu tout à l'heure sur Sodexo, mais le document écrit lui-même que la ville pourrait disposer de plus de leviers d'action compte tenu de sa gestion de la cuisine centrale. Et je pense qu'effectivement, sur le bio, on a une délibération ensuite sur l'agriculture urbaine, certes, mais sur les partenariats, il y a aujourd'hui beaucoup de cantines municipales qui travaillent de manière active avec des producteurs voisins, avec des logiques de circuits courts. Et là, c'est sûr qu'on a d'énormes progrès à faire. J'ai été aussi assez frappé En ce qui concerne les déplacements, c'est-à-dire que 57% dans le diagnostic des émissions liées aux déplacements issus de la mairie viennent des véhicules municipaux. Et d'ailleurs, ce n'est pas des agents dans leur déplacement domicile-travail, puisque le même diagnostic écrit que 55% des agents, donc une majorité, vient au travail en mode actif ou en transport en commun, donc transport en commun, vélo, marche à pied, mais que par contre, une grosse majorité des émissions vient des véhicules municipaux, dont, écrit le diagnostic, 77% sont au diesel. Alors je sais que vous nous dites, monsieur le maire, chaque année que vous y travaillez, on ne peut que vous croire, mais je me souviens sur l'évolution de la flotte municipale que vous y travaillez. Mais on a voté des choses, monsieur. Oui, oui. On attend de voir les véhicules de la ville. Il y a beaucoup de véhicules électriques. Oui, mais je me souviens qu'en début de mandat, lors d'un échange, vous m'avez dit, une fois n'est pas coutume, vous avez raison, monsieur Vionnet, hein, oui, sur l'évolution de la flotte municipale. Mais on voit bien qu'il y a encore, aujourd'hui, en lisant ce diagnostic, beaucoup de chemin à parcourir. Et puis enfin, et je conclurai là-dessus, parce que j'entendais M. Desnoëlle dans sa présentation évoquer le gouffre fréquent et qu'on constate tous entre les intentions et les actes. Bon, j'avoue que j'ai lu chacune des 27 fiches actions. Bon, elles sont toutes pleines de bonnes intentions que je ne peux que partager, mais c'est vrai que pour beaucoup, on peut être étonné que, en ce qui vous concerne, après 10 ans de mandat, sur toute une série de ces fiches actions, on parle de diagnostic en 2024. Donc, vaut mieux le faire en 2024 que jamais, mais il aurait pu être fait avant, sur, par exemple, c'est dit sur la rénovation énergétique du patrimoine. Sur le réseau de chaleur, on dit schéma directeur en 2024. Sur les ENR, il n'y a encore rien de fait, alors qu'un certain nombre de villes voisines ont déjà installé des panneaux photovoltaïques sur des équipements publics. Il y a même de l'adossement dans un certain nombre de cas de travail avec des coopératives en la matière, etc., etc. Y compris sur le vélo, où on dit que les infrastructures relèvent du prochain mandat. Donc c'est vrai que ce qui est un peu troublant, c'est que face à l'urgence absolue qu'évoquait par sa métaphore horaire Jean-Claude tout à l'heure, on a le sentiment qu'on dit que beaucoup de choses se feront demain et n'ont pas encore été commencées. Mais nous voterons évidemment ce document qui a le mérite d'exister, mais c'est vrai que comme souvent en la matière, on a des déclarations d'intention qu'on ne peut qu'approuver, mais on ne peut qu'attendre les actes. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Alors, délibération numéro 20. Présentation et signature de la charte de l'agriculture urbaine de l'établissement public territorial Est Ensemble, Anne de Rugy. Ça chauffe. Merci beaucoup, Edith. Merci. Donc, je vais présenter en quelques mots la charte d'agriculture urbaine, qui est une initiative d'Est Ensemble et que j'ai initiée en tant qu'élue du Conseil de territoire délégué à l'agriculture urbaine. Elle a été votée à l'unanimité au Conseil de territoire du 28 novembre 2023, du 28 novembre dernier. Et elle est co-construite avec les 9 villes, avec les élus des 9 villes, avec les services des 9 villes et avec évidemment les associations et les services d'Est Ensemble. J'en profite d'ailleurs pour remercier les services de la ville de Bagnolet qui ont été très mobilisés et très présents dans la co-construction et l'élaboration de cette charte. Alors, pourquoi une charte de l'agriculture urbaine ? Elle est partie d'un constat des différents acteurs du territoire. un double constat. Ce constat, c'est d'abord celui d'un foisonnement des projets d'agriculture urbaine sur le territoire d'Est-Ensemble, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est un peu le cas aussi à côté, à Plaine Commune. Le diagnostic a montré qu'il y avait plus de 250 lieux qui pouvaient être identifiés sur l'ensemble du territoire d'Est-Ensemble comme des lieux d'agriculture urbaine, sans doute d'ailleurs une estimation qui est sous-évaluée, parce qu'on oublie toujours dans ces cas-là des lieux, et des lieux extrêmement variés, qui peuvent être des potagers d'école, des jardins ouvriers, des jardins associatifs, des jardins partagés, et puis évidemment les projets quartiers fertiles de l'ANRU, dont Bagnolet a la chance d'en avoir un, avec l'association AJDB et l'association de Montreuil On S'Aime Tous. Donc c'est un projet qui est sur les Malassis, Lanoux, et qui associe les deux villes, et voilà, qui donne ce que vous avez peut-être vu sur la renaturation de la couverture de l'A3, ce qui était quand même un beau défi, je dirais, en termes d'agriculture urbaine, et puis aussi des jardins expérimentaux, comme un jardin tout près de l'A3 aussi, qui est sur un ancien parking. Donc là, c'est aussi un vrai défi en termes de production, évidemment, là, pas en pleine terre. Donc beaucoup d'initiatives, de nombreux acteurs impliqués, parce qu'évidemment, il y a les villes, mais il y a aussi des associations et des écoles et des bailleurs sociaux, donc des acteurs extrêmement différents, et puis aussi une demande sociale, un désir de ville fertile qui s'est clairement exprimé dans la Convention citoyenne locale pour le climat et la biodiversité, où il a apparu un intérêt des citoyens qui étaient participants, mais aussi plus largement des habitants, pour la ville fertile et la production agricole en ville. Donc un désir d'un côté, et puis de l'autre côté, beaucoup d'enjeux positifs autour de l'agriculture urbaine, très nombreux. Un enjeu évidemment de renaturation de la ville, puisque l'objectif est aussi de participer modestement avec cette charte à l'objectif d'Est-Ensemble, qui est de parvenir à 10 mètres carrés d'espace vert par habitant, ce qui est un objectif extrêmement ambitieux, puisque nous sommes aujourd'hui à 6 mètres carrés par habitant sur le territoire d'Est-Ensemble. Et l'objectif est aussi, dans cette renaturation, de maintenir, je dirais, le lien avec le passé maraîcher du territoire d'Est-Ensemble et évidemment de Bagnolet. Il y a aussi un enjeu d'éducation, d'inclusion sociale, de participation, puisque l'agriculture urbaine, c'est souvent des projets qui intéressent quel que soit l'âge, le genre, et qui sont même transclasses, donc qui ont un intérêt dans la cohésion sociale et l'éducation des enfants. Et puis, il y a évidemment un enjeu économique, alors un enjeu de production qui a été évoqué tout à l'heure, même si, évidemment, il ne faut pas trop attendre, malgré tout, en termes de vivriers, de ce qui pourrait être produit sur le territoire, puisqu'on a à Est-Ensemble 527 hectares de terres agricoles, enfin de projets d'agriculture urbaine, et il en faudrait plus de 500 000 si on voulait nourrir le territoire. Mais il s'agit d'expérimenter, et il s'agit aussi de garder le lien en créant des emplois, en proposant des formations de reconversion avec des territoires agricoles qui sont aussi aujourd'hui ceux qui nous nourrissent. Donc à partir de ce constat assez positif autour de l'agriculture urbaine, il est apparu l'idée de faire ensemble des 9 villes sans pour autant que l'agriculture urbaine soit une compétence d'Est-Ensemble. D'où l'idée d'un travail commun et d'une charte que vous avez en pièce jointe, mais il manque dans cette charte. Donc il y a l'idée d'engagement partagé, c'est la partie que vous avez, avec, je ne vais pas faire le détail, hein, mais avec 3 axes: animer et faire rayonner l'agriculture urbaine, multiplier et pérenniser la présence d'une agriculture urbaine et écologique sur le territoire, et enfin soutenir une économie sociale, agricole et alimentaire. Ça, ce sont les 3 axes avec 9 engagements. Mais il y a aussi une annexe qui n'a pas été jointe, qui concerne un cahier pratique avec 18 fiches, qui sont aussi des fiches ressources pour les acteurs, les associations. Ça peut être comment trouver des financements, comment trouver des partenaires, comment faire face aux problèmes, les 2 problèmes principaux étant évidemment la pollution des sols et la rareté du foncier. un annuaire, la question de la gestion de l'eau, bien sûr, enfin, différents éléments qui sont plutôt des fiches pratiques, parce que l'objectif, c'était vraiment de partager des connaissances et de pouvoir faire de cette charte une ressource qui puisse ensuite être une ressource vivante, alimentée régulièrement et qui puisse servir à tous les acteurs du territoire. Alors, à la suite de ça, quelle suite à cette charte ? Bah, plusieurs choses. Dans l'avenir immédiat, il y aura un événement de signature avec les 9 villes, d'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui et de le voter, je l'espère. Le 24 avril, sur le site du Mur à Fleurs à Montreuil, qui est un très beau site qui répond justement à la question de la pollution des sols, où là, il y a une production de fleurs avec des objectifs d'inclusion sociale, de réinsertion et la création d'une AMAP de fleurs. Donc il y aura des ateliers et puis un événement de signature à la fin de la journée. Ensuite, la deuxième chose, c'est la diffusion de la charte qui devrait être mise en ligne sur le site d'Estanson, mais avec tous les diagnostics et tous les éléments pour partager le savoir qui a, enfin, pour partager tout ce qui a constitué l'élaboration de cette charte, en particulier des cartes, etc. Et puis, il y a un engagement de faire collaborer, de continuer la collaboration des acteurs avec chaque année au moins une rencontre entre tous les acteurs et la participation à des événements nationaux, d'où l'engagement, j'ai vu que Bagnolet s'engageait également, à participer aux 48 heures de l'agriculture urbaine, qui cette année sont en fait un peu plus que 48 heures, puisque c'est 3 jours de mémoire fin mai, 24, 25, 26 mai. Donc voilà quelques éléments sur cette charte que je vous demande d'adopter. Merci. Merci Anne. Est-ce qu'il y a d'autres, Monsieur Vionnet ? Oui, ben nous nous félicitons effectivement que Est-Ensemble ait initié cette charte, parce que je pense que dans les circonstances actuelles, il est inutile de dire à quel point les sujets de l'agriculture sont des sujets fondamentaux, et sont notamment des sujets fondamentaux pour l'alimentation dont on a parlé tout à l'heure. Bon, alors évidemment, en termes d'agriculture, je pense qu'il y a déjà un sujet, d'ailleurs on doit parler tout à l'heure du schéma directeur de la région Île-de-France, qu'il y a déjà un sujet de préservation des dernières terres agricoles, et je pense qu'on a été un certain nombre à partager des positions, notamment sur le triangle de Gonesse. Et puis il y a un enjeu d'agriculture urbaine, parce que je pense qu'effectivement, l'agriculture urbaine n'est pas un élément anecdotique. Il y a d'ailleurs certains pays où il y a des expériences très significatives et qui aboutissent à des capacités de production non négligeables. Et je pense que c'est effectivement un sujet de mobilisation important pour nos collectivités. Après, sur le contenu plus précis, moi, c'est vrai que j'ai lu que dans les éléments de début de la charte, il était mentionné que Est-Ensemble avait la chance d'avoir 5 pionniers de l'agriculture urbaine et que parmi ces pionniers figure Sort de Terre. On ne va pas relancer le débat qu'on a eu de nombreuses fois en conseil municipal, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne reste de cette bergerie qu'un petit rogaton. Les bêtes sont parties fort loin, etc. Donc c'est un exemple d'agriculture urbaine qui sait plus que fortement, j'utilise des termes faibles, plus que fortement affaiblir. Ensuite, je note aussi qu'il est écrit qu'il y a 3 sites structurants sur Est-Ensemble. Bon, malheureusement, il n'y en a pas à Bagnolet. Je pense qu'à Bagnolet, j'ai entendu les initiatives qui ont été présentées, mais qu'il y a sans doute des choses pour aller plus loin, parce qu'on a quand même une ville qui a une histoire assez forte en la matière. C'est une ville, les pêches sont bien connues, mais même si elles ont disparu du logo. Il y avait aussi beaucoup de vignes dans notre territoire. Le bâti de Bagnolet porte d'ailleurs trace de ses origines rurales et agricoles. Il y a notamment rue Salicarnot, beaucoup de bâtiments, même si un certain nombre ont été abîmés, il y a beaucoup de bâtiments qui portent cette histoire. Mais on a aussi un certain nombre d'initiatives bien vivantes. notamment, par exemple, il y a un peu de production de miel dans cette commune portée par un certain nombre d'associations. Donc je pense qu'effectivement, cette charte est tout à fait positive et nous la voterons sans aucune hésitation. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire en commission numéro 2, je pense qu'il y a pas mal de boulot à faire pour qu'il y ait davantage de déclinaisons à Bagnolet. D'autres remarques ? Je ne vais pas revenir sur le travail avec Gilles Amar. Effectivement, aujourd'hui, il est sur son site provisoire, qui sera peut-être son site définitif. C'est entre les échanges que j'ai pu avoir avec lui récemment. Tout état de cause, après la livraison de l'école, on aura à nouveau une grande bergerie et de beaux espaces à proposer à la population. Et les partenariats avec lui se poursuivent. Donc, je peux comprendre votre regret, mais en fait, en définitive, vous verrez, on aura à la fois une belle école, un beau centre de loisirs, une belle crèche et une belle bergerie avec laquelle on développe des partenariats et ça va continuer et ça va s'amplifier. Et mon regret est fondé sur des éléments factuels. Ça sera demain beaucoup plus petit que ce n'est... que ce n'était dans le passé. Aujourd'hui, je ne reviens pas sur la destruction de biodiversité qui a été faite, mais aujourd'hui, les bêtes ont dû partir en province, etc. Elles ne sont plus là. Donc, factuellement, aujourd'hui, on a quelque chose qui est très dégradé et qui, demain, aura moins d'ampleur que ce qui s'était constitué. Mais en fait, vous verrez qu'on aura de beaux équipements publics que nous n'avons pas aujourd'hui, et on aura une belle bergerie. Après, on peut avoir les débats sans cesse, mais aujourd'hui, l'association Sort de Terre, contrairement à ce que vous et d'autres avez pu dire, l'association Sort de Terre est bel et bien là. Elle est restée à Bagnolet. Elle n'est pas partie ailleurs, comme vous avez pu l'affirmer. Elle compte rester à Bagnolet, et nous, on compte l'accompagner. Voilà, tout simplement. Anne de Rugy. Oui, deux mots. D'abord, oui, c'est vrai qu'il reste beaucoup à faire. En effet, il y a beaucoup de possibilités. Alors, il n'y a pas beaucoup de fonciers quand même, et à Bagnolet, il y a quand même très peu de fonciers. Il y a un petit peu de fonciers repérés sur Est Ensemble à Bobigny, mais globalement, les terres agricoles ont été réduites à peau de chagrin. Mais ensuite, il y a deux choses. Bah, l'enjeu pour la bergerie, je pense que c'est un enjeu qui figure tout à fait dans la charte, c'est pérenniser. Là, il y a quand même beaucoup de projets d'agriculture urbaine qui sont des projets qui sont des occupations provisoires. Et là, il y a un enjeu de pérennité. Je ne pense pas que ce soit moins 1500 m² pour la bergerie, 1500 m² qui pourront être de l'agriculture urbaine, parce que ça peut aussi être des jardins fruitiers. Voilà, c'est à imaginer. Ça fait quand même 3000 m², c'est pas rien. 3000 m² accessibles à la population. Donc je pense que ça, c'est pas... Oui, certes, actuellement, c'est réduit, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la pérennisation. Et ensuite, j'ai l'impression que c'est assez uniforme sur Est Ensemble et chaque ville a ses particularités. Voilà, il y a la Lab 3S à Bondy. Bon, ben, c'est à Bondy. On a fait une visite des élus d'Est Ensemble... sur On s'aime tous à JDB 4 saisons, et c'est une visite qui a été très appréciée parce que c'est vrai qu'on a là une association du territoire qui vient vraiment du territoire et qui s'est formée en agriculture urbaine d'une manière qui est vraiment exemplaire. Merci. Pose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Avenant aux conventions d'objectifs et de financement pour la halte jeu Coccinelle, Multi-accueil, Vienno, Lénine et Nemo. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Pas de remarques, pas d'observations. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Rapport 22. Vœux du conseil municipal concernant le prolongement de la ligne 3. Cédric Pape. Oui, merci monsieur le maire. Lors du précédent conseil municipal, nous avons parlé de l'avenir de Bagnolet. avec, je pense, l'un des plus grands projets écologiques de l'Est parisien, la requalification du pôle Gallieni, qui envisage, pour rappel, l'enfouissement de l'échangeur, réparer les connexions Bagnolet Sud-Bagnolet Nord et réparer les connexions Bagnolet Paris. Je rappelle que ce projet a été voté à l'unanimité du conseil municipal et que c'est un projet porté par Est Ensemble, Paris, la métropole. À travers ce vœu aujourd'hui présenté, nous allons de nouveau parler de l'avenir de Bagnolet et des connexions, démontrant ainsi l'engagement de cette majorité municipale à améliorer la qualité de vie des Bagnoletaises et des Bagnoletais. Aujourd'hui, il s'agit d'émettre un avis sur le prolongement de la ligne 3 du métro. Dans un souci de connexion aux autres villes, afin d'améliorer l'efficacité du réseau de transport, le Conseil régional a envisagé cette prolongation de la ligne 3 du métro, ce qui est une très bonne nouvelle, mais dans son premier projet vers le sud, vers Montreuil. La majorité municipale, en accord avec Est Ensemble, souhaite proposer un tracé alternatif, et donc un tracé donc, vers le nord, vers Romainville et toujours Montreuil. Et surtout dans le souci d'apporter, et c'est une grande nouvelle, le métro pour les quartiers du Plateau et des Malassis. Voilà le but de ce vœu. Des remarques, des observations, Madame Félix. Merci. Oui, donc on l'a déjà maintes fois évoqué, les transports en commun sont dominants parmi les modes de transport des usagers bagnoletais. Par ce projet de vœu, la ville de Bagnolet insiste sur le caractère stratégique de ce mode de transport pour notre territoire. À Bagnolet, 3 lignes de métro permettent aux bagnoletais et aux bagnoletaises de relier la capitale et le réseau ferré, la ligne 3, la ligne 9 et la ligne 11. Mais seule la ligne 3 possède une station sur le territoire de la commune. Pour les autres, il faut marcher jusqu'à 25 minutes. Et c'est beaucoup trop long pour un trajet quotidien, domicile-travail par exemple. Si la ligne devait être prolongée, comme il l'est prévu dans le schéma directeur de la région Île-de-France, le SDRIF-E, il est naturel que la ville souhaite que les stations créées le soient au sein du périmètre de la ville. Alors, ce disant, on pourrait croire que les bagnoletais veulent simplement profiter du prolongement plus que les autres, tirer la couverture à soi. Non. Des analyses objectives menées par Est Ensemble plaident en effet pour un rééquilibrage en faveur des bagnoletaises et des bagnoletais. À horizon 2030, après le prolongement de la ligne 11 du métro et de la ligne du tram T1, Bagnolet sera la ville d'Est Ensemble la moins bien desservie par les transports ferrés rapides, avec seulement 25% de son territoire à moins de 10 minutes d'une station de métro tram, alors que cette couverture sera de l'ordre de 50% pour les autres villes. Alors, j'apprécie par ailleurs de travailler au groupe de travail mobilité d'Est Ensemble, où les études sont partagées, élaborées et discutées. Ce projet de vœu reprend justement des propositions développées dans le document de réaction de l'EPT d'Est Ensemble à l'avant-projet du SDRIF-E dans sa rédaction d'avril 2023, donc document qui a été approuvé par le Conseil de territoire du 23 novembre. Il y a en effet proposé que le tracé devrait désenclaver les quartiers les plus éloignés des stations de transport, donc le quartier des Malassis et le quartier du Plateau, tout en proposant un maillage avec les prolongements de la ligne de métro 11 et celle du tram 1. Ce sont des positions que j'ai défendues au sein des groupes de travail mobilité d'Est Ensemble, et je suis gré aux élus et à l'administration d'avoir su accompagner collectivement et porter ce travail. Oui, je vais intervenir pour le groupe Bagnolet en commun pour dire que, bien sûr, nous voterons ce vœu et que la première chose, c'est que nous sommes très contents de voir que la question du prolongement de la ligne 3, qui, si je puis dire, avait été enterrée pendant de nombreuses années, réapparaît et que ce prolongement soit de nouveau évoqué dans le SDRIF. En effet, quand on voit la ligne 3 aujourd'hui, beaucoup de lignes de métro se prolongent dans les villes de banlieue et la ligne 3 finalement reste celle qui reste aux portes de Paris puisque Gallieni est juste aux portes de l'autre côté. Cette situation a pour conséquence que de nombreux quartiers de Bagnolet, comme l'a dit Edith Félix, sont considérés comme enclavés, c'est-à-dire à plus de 10 minutes d'un transport dit lourd, ferré, donc métro ou train. Or, cela a des enjeux des conséquences importantes. Il y a des enjeux importants derrière. Un enjeu social, puisque évidemment ça rallonge beaucoup les trajets, notamment domicile-travail, quand ils sont faits en transport en commun. Et puis un enjeu écologique, puisque cet éloignement du transport ferré, en rallongeant les distances, rend certains trajets automobiles nécessaires et rend la possession d'une automobile nécessaire. On le voit, c'est assez mécanique. Plus un quartier est éloigné, plus il y aura de véhicules, et notamment de véhicules qui ne correspondent pas aux normes de la ZFE. D'où l'enjeu important de cette prolongation. Et il nous semble que la proposition d'Est Ensemble, qui vise un rallongement de la ligne assez modeste, puisqu'il s'agit d'aller récupérer de Gallieni la station hôpital de Montreuil dans le prolongement de la ligne 11. C'est un prolongement qui permet aussi de croiser la ligne T1, le prolongement de la ligne T1 qui arrive de Noisy. Et ça permettra donc aux Bagnoletais d'avoir une correspondance vers la ligne E, la future ligne 15, qui va être la grande rocade, qui permet dans ce cas-là de rétrécir énormément les temps de trajet de banlieue à banlieue. Donc ça nous semble effectivement être un itinéraire pertinent, et c'est pourquoi cette fois nous dirons que prolongeons cette ligne, nos enfants nous remercieront. Monsieur Vionnet. Alors, je ne sais pas si je parle, parce que nous avons déposé un amendement, si je parle simultanément des deux. Donc, effectivement, je pense qu'on partage tous la conviction que Bagnolet a besoin d'amélioration de transport en commun, mais aussi d'amélioration d'accès piéton-vélo. Puisque, déjà, comme l'a rappelé Edith, alors qu'il y a quelques décennies, en situation relative... Bagnolet était sans doute une des villes les mieux desservies d'Est Ensemble. Ce n'était pas nécessairement très positif, c'est parce que beaucoup d'autres l'étaient beaucoup moins bien. Mais c'est vrai que ces dernières années, le renforcement du maillage en tramway et le projet du Grand Paris Express ont, et c'est heureux pour nos voisins, bien amélioré l'accessibilité en transport en commun de villes voisines, et Bagnolet est resté à situation à peu près constante. De la même façon qu'il y a une desserte transport en commun qui ne s'est pas développée sur notre ville, alors qu'elle est celle qui a la plus longue façade, c'est pas la plus grande commune de banlieue, mais c'est celle qui a la plus longue façade sur le périphérique parisien et donc contiguë à Paris, elle n'a de lien avec Paris que par deux portes que nous connaissons tous, les portes de Montreuil et les portes de Bagnolet, dont il est inutile de dire l'engorgement routier, la pollution et la difficulté à les franchir. Et donc, il nous semble qu'en même temps que le soutien au transport en commun, il faut aussi soutenir le développement de nouveaux accès piétons et vélos franchissant le boulevard périphérique. D'ailleurs, le SDRIF, dans ses éléments, dans ses premières pages, je l'ai encore consulté tout à l'heure parce qu'il y avait, je ne sais pas si certains d'entre vous y sont allés, il y avait la permanence du commissaire enquêteur du schéma directeur de la région Île-de-France, ici même en mairie de Bagnolet. Donc, dans ses premières pages, le SDRIF insiste sur à la fois l'enjeu de poursuivre le développement des transports en commun et de franchir les infrastructures. Quand je parle d'accès piéton-vélo, je parle d'un sujet qu'on a déjà évoqué, qui est un projet de passerelle à l'exact mi-chemin entre les portes de Bagnolet et de Montreuil. Il y a des éléments techniques sur lesquels on pourrait échanger, mais moi j'avoue que je suis quand même, j'ai récupéré par mes amis parisiens l'avis que vous avez remis sur le PLU de Paris, et j'avoue que j'ai été quand même stupéfait à la lecture, parce que, et je mesure mes mots, je trouve que quand même dans la situation qui est celle de notre ville, qui est quand même une ville où beaucoup de gens vont travailler à Paris, où beaucoup de gens vont prendre les transports en commun parisiens et notamment le boulevard des Maréchaux. Moi, je connais beaucoup de gens qui vont prendre le tramway sur les Maréchaux. On a des conditions d'accès qui sont très mauvaises et qui sont assez mauvaises pour longtemps parce que la restructuration des portes prendra du temps. Moi, je trouve absolument, je mesure mes mots, mais scandaleux qu'un maire d'une commune de banlieue s'oppose à un franchissement du périphérique porté par la grosse ville voisine, Paris, et a donc, du coup, une amélioration de la desserte de la ville, de son accès en liaison douce, en vélo, à pied, etc. Et d'autant plus que, comme il y a des éléments récents, je suis au regret de dire qu'il y a eu des mensonges de dit dans ce conseil municipal, notamment par M. Pape, puisque je me souviens qu'en réponse à une intervention que j'ai faite il y a quelque temps, il m'a dit que c'était un très très vieux projet, que vous ne savez même plus où il était, etc. Or, et je vois qu'il hoche positivement de la tête, or, l'autorité environnementale, qui sont quand même une brochette de très hauts fonctionnaires de l'État, qui est une autorité administrative indépendante de l'État, l'autorité environnementale écrit dans un rapport qui n'est pas vieux, hein, qui a un mois, je crois, ou même trois semaines, hein, écrit que le scénario retenu par la ville de Paris en 2018, donc 2018, ce n'est pas le siècle dernier, ce n'est pas si vieux que ça, que le scénario retenu par la ville de Paris comprenait un projet, je cite l'autorité environnementale, un projet de passerelle piétonne sur un axe est-ouest au départ de la rue Serpollet, franchissant le boulevard périphérique pour établir une relation directe avec Bagnolet. Et dans votre avis, qui est un avis, parce qu'il y a beaucoup d'avis de villes voisines, j'en ai vu un certain nombre, il y a beaucoup de villes voisines qui ont fait des avis assez développés sur le PLU bioclimatique de Paris, ce qui est assez normal, puisque évidemment, ce que décide Paris a des impacts sur ses villes voisines. Votre avis est très succinct et il est quasiment uniquement concentré sur ce point. Et je vous cite, « Au regard des projets de construction en prévision dans ce secteur, notamment sur les terrains qui seraient concernés par le prolongement de la rue Serpollet, je vous informe que ce projet ne pourra pas être réalisable. » Donc, vous écrivez clairement, ça a au moins le mérite de la franchise, que c'est parce que vous avez donné votre imprimatur à un projet immobilier, en plus dont on connaît la teneur, une espèce de monstrueux centre purgé de tout recours, y compris de celui de France Nature Environnement, qui a jugé utile d'aller au tribunal administratif et qui a été débouté. Projet purgé de tout recours. Qui n'a pas été débouté d'ailleurs, il y a eu un. Connaissant France Nature Environnement, ça m'a pas échappé. M'en a tenu au courant. Ils n'ont pas jugé utile de compléter leur requête. Il y a eu visiblement un problème dans le dépôt de leur requête. C'est pas vrai. Mais qui ment là à ce moment-là ? Ah non, non. Donc purgé de tout recours. Donc purgé. Donc ce recours n'a effectivement pas recours qui s'appuyait justement sur la nécessité d'avoir une passerelle. Puisque c'était était dans le recours déposé par France Nature Environnement. Donc vous m'interrompez de nouveau. Bon, si on dit les choses très précisément, je voulais pas nécessairement le dire parce que c'est pas France Nature Environnement. Non, mais soyons précis. France Nature, ils n'ont pas du tout été déboutés sur le fond. Je voulais pas nécessairement en parler parce que France Nature Environnement sur cette affaire, France. Si vous me laissez parler, j'en parle, parce que France Nature Environnement n'est pas très fier de lui, puisqu'il se trouve que visiblement le dépôt du recours c'est fait par mail, et il y a eu une histoire dans le récépissé, dans les spams, donc c'est... Ah, c'est un... il y a un raté, mais du coup, cette affaire n'a pas été jugée sur le fond. Donc, mais justement, parlons du fond. La prochaine fois, faites le recours vous-même. Ayez le courage, assumé, faites le recours vous-même. Plutôt que de dire France Nature Environnement n'est pas très fier de la manière dont ils ont procédé, leur truc s'est transformé dans un spam. Monsieur Vionnet, vous êtes élu, vous avez un intérêt à agir. C'est le terme. J'aurais pu tout à fait le faire. À partir du moment où une organisation, puisqu'on se parle avec France Nature Environnement, à partir du moment où une organisation comme la leur et qui a toute légitimité, il ne m'avait pas semblé nécessaire d'additionner ce qu'il y a d'autres associations qui pouvaient être intéressées à faire des recours. Bon, les choses sont ce qu'elles sont, mais n'empêche que le fond du sujet demeure le même. C'est-à-dire que vous vous opposez pour une raison de projet immobilier, vous vous opposez à un projet de passerelle dont les habitants de Bagnolet bénéficieraient d'ailleurs beaucoup plus que les Parisiens. Mais la passerelle Lucien Lambeau, on en fait quoi? La passerelle Lucien Lambeau, on en fait quoi? Je sais pas. Alors, d'une part, cette passerelle est quand même dans un état pas très brillant. D'autre part, elle n'est absolument pas située, parce que là, on est sur un projet, d'ailleurs, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas moi qui ai inventé. Bon, si vous me laissez, vous ne cessez. Alors, un, vous m'interrompez, je ne m'énerve pas du tout, mais deux, vous m'interrompez sans cesse, et même quand vous me renvoyez une question, vous ne me laissez pas répondre à votre propre question. Vous m'interrompez dans la réponse à votre propre question. Monsieur Vionnet, donc je m'énerve pas du tout. Vous êtes un cavalier. Je suis très calme parce que vous passez votre temps à m'intervenir et je continue à essayer de prendre la parole de manière sereine. Mais bah, nous avons dit clairement. Alors attends. Je pense qu'ils attendent les deux. Et justement, c'est ça. Si vous me laissez juste finir ma phrase, ça ira mieux. Donc, ce que j'ai dit au début, c'est que, évidemment, il faut à la fois développer les transports en commun et développer les continuités piétonnes et cyclables. Donc, nous sommes évidemment à 100% pour la proposition qu'a formulée Est Ensemble et qui a travaillé Est Ensemble et qui figure d'ailleurs dans l'avis, à ce jour, moi j'ai vu l'avis, continuez à m'interrompre, moi ce que j'ai lu c'est l'avis, puisqu'il est aujourd'hui dans le dossier, à ce jour, dans le dossier officiel, il y a un avis d'Est Ensemble, donc c'est celui que j'ai lu, et donc nous le partageons évidemment totalement, et d'ailleurs, et puis après je reviendrai à la passerelle, évidemment, c'est une bonne nouvelle, parce que jusqu'à une date récente, le prolongement de la ligne 3 du métro n'était absolument pas à l'ordre du jour, alors que certains prolongements sont de très longue date dans les documents. Et moi, je me souviens que quand j'ai travaillé à Aubervilliers, on travaillait sur un prolongement de la ligne 12 qui maintenant se fait, mais qui était inscrit depuis 1936. Malheureusement. Donc, le fait, et y compris dans le passé, il y avait eu des réflexions qui ont été inabouties, mais qui relevaient aussi du fait qu'à l'époque, le prolongement de la ligne 3 était totalement fermé, et vous le savez bien, puisque c'est une nouvelle très récente qui apparaît dans le schéma directeur, puisque s'il y a des années, il y avait eu des projets, par exemple, de téléphérique, etc., c'est parce qu'à l'époque, les autorités responsables des transports disaient qu'un prolongement de la ligne 3 était impossible et ne serait jamais fait. Donc c'est une bonne nouvelle qu'il soit aujourd'hui possible. Et évidemment, il y a trois quartiers de Bagnolet qui sont les quartiers qui appartiennent aux parties hautes de Bagnolet, Lanoux, les Malassis, le Plateau, qui sont particulièrement mal desservis. Donc évidemment que nous adhérons totalement à cette proposition que le prolongement de la ligne 3 du métro passe par là. Mais ça, j'avais commencé à le dire au tout début. Mais effectivement, nous considérons qu'il faut, il n'y a pas de mais d'ailleurs, il faut faire en même temps les améliorations de transport en commun, qui malheureusement sont d'ailleurs dans une temporalité très longue, et des améliorations qui peuvent être à plus court terme de liaisons piétonnes et vélos. Et nous en avons certes déjà parlé de cette affaire de passerelle, mais il y a quand même deux éléments nouveaux, et sinon nous n'en aurions pas reparlé ce soir. C'est d'une part le fait que l'autorité environnementale, comme je l'ai cité tout à l'heure dans un rapport très récent, et ce n'est pas une phrase noyée au milieu d'un texte, l'autorité environnementale, c'est dit dans sa synthèse, c'est dit dans son introduction, fait 5 préconisations à la ville de Paris, et dans les 5 préconisations, il y a de réouvrir le dossier de la passerelle, et je sais d'ailleurs, pour en avoir échangé, pas dimanche dernier, mais l'avant-dernier, avec des élus du 20e, que des élus écologistes du 20e sont tout à fait mobilisés sur la question. J'ai d'ailleurs aussi des envois de textes d'élus écologistes parisiens qui suivent cette question. Donc d'une part, il y a cet avis de l'autorité environnementale, et effectivement, d'autre part, il y a le projet de PLU bioclimatique de Paris, où malgré le fait que vous vous soyez déjà opposé à ce projet, malgré tout, la ville de Paris maintient la phrase d'ailleurs à laquelle vous vous opposez, la phrase disant qu'il faut étudier cette passerelle dans le prolongement de la rue Serpollet. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les transports en commun et les liaisons piétonnes et cyclables. Et d'ailleurs, pour finir, l'avis d'Est Ensemble qui est transmis au schéma directeur est un avis qui, dans ce que j'ai noté, mentionne 4 points principaux. Et d'ailleurs, les autres points concernent aussi Bagnolet, puisqu'il y a les questions de densification, il y a les questions d'artificialisation. Il y a aussi les questions, c'est dans l'avis d'Est Ensemble, liées de continuité entre les espaces verts parisiens et les espaces verts de Seine-Saint-Denis, notamment le parc départemental. Et il y a le prolongement de la ligne 3. En fait, que la ville de Paris ait un avis, elle a le droit d'avoir un avis. Vous voyez, mais en fait, je ne suis pas un béni oui-oui. Et lorsque l'ancienne maire du 20e arrondissement de Paris, qui était à l'époque socialiste, devenue macroniste, voulait ouvrir une liaison justement au niveau de cette passerelle pour y déverser les bus parisiens, et juste en oubliant, et vous pourrez demander à un certain nombre d'élus qui sont à Est Ensemble, qui ont encore en souvenir cette réunion avec l'élu en question, et qui avait juste oublié que, en fait, la passerelle, elle arrivait sur le territoire de Bagnolet, elle avait juste oublié qu'il fallait un peu nous concerter, nous solliciter et nous demander l'autorisation, vous voyez. Donc ça, c'était, on était en 2017, 2018, 2019 à cette époque-là, et heureusement qu'on lui a dit non. Donc, moi, je peux comprendre qu'il y a un sujet franchissement, mais alors, pourquoi la ville de Paris ne s'occupe pas de la passerelle Lucien Lambeau? C'est tout la question que je pose. Pourquoi on continue à parler de celle-là? Enfin, c'est à un moment donné, c'est juste basique. Il y a une passerelle, elle existe, ils la rénovent, ils la font fonctionner, ils investissent. Vous savez, à l'époque, quand la même maire du 20e arrondissement, lorsqu'on était confronté aux marchands à la sauvette en 2014-2015, lorsqu'elle a décidé, sans nous demander notre avis, de fermer la passerelle avec la préfecture de police, et que les sauvettes, les vendeurs à la sauvette contournaient et arrivaient chez nous, elle ne nous avait pas non plus demandé l'autorisation. Donc à un moment donné, oui, s'il faut se faire respecter, on essaye de se faire respecter. On n'est pas la ville de Paris, ça ne m'a pas échappé. Je ne suis ni Emmanuel Grégoire, ni Anne Hidalgo, et tant mieux pour moi. Mais on travaille, on essaye de travailler avec l'un et avec l'autre pour faire avancer les projets de la ville, tout simplement. Et là en fait, franchement, que vous souhaitiez avancer sur les sujets qui vous tiennent à cœur, je peux comprendre, mais en fait là, on a un sujet, c'est le prolongement de la ligne du métro, de la ligne 3, et déposer un amendement là-dessus, aller sur des polémiques qui servent à rien, expliquer que France Nature Environnement, en fait, vous étiez au courant du recours, mais ils n'ont pas fait le spam, vous n'avez pas vous en... En fait, à un moment donné, il faut assumer, vous êtes élu, assumer, point. Donc là, on débat du métro, du prolongement. Est-ce que, oui ou non, on avance là-dessus, Cédric Pape? Alors, entièrement d'accord, mais ça ne vous surprendra pas. Mais là où je mets en garde l'opposition, c'est que vous avez eu, je trouve, malgré votre tract, monsieur Vionnet, lors du dernier conseil municipal, vous avez changé d'avis et vous avez décidé de soutenir la requalification de l'échangeur, alors que sur le tract, vous disiez que c'était une foutaise. Nous sommes bien d'accord. Mais c'est bien. Vous avez changé d'avis. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je vous répondrai. Deux secondes. Parce que vous nous avez fait la morale sur on n'a pas le droit de vous couper, quoi. Justement, je ne vous interromps pas. Je vous dis juste c'est que très je bien. Réponds. À la fois, vous parlez 20 minutes. Hein, donc, si vous voulez, moi, je ferai beaucoup plus court. Parce que vous êtes dans des vraies tirades, quand même. Hein. Il faut supporter quand même la logorée. Hein. Voilà. Donc, après, je vais être un petit peu taquin et un petit peu dur. Et là, je m'adresse à toute l'opposition. Donc oui, vous avez, notamment vous, monsieur Vionnet, changé d'avis entre votre tract, où il y a quand même les choses écrites, et votre vote au final. Encore une fois, une très grande preuve de courage et de cohérence. Mais là, en fait, vous êtes dans la même situation. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre la passerelle et la prolongation de la ligne 3 du métro. Il y a parmi vous des gens qui habitent les Malassis et qui habitent le plateau. Je vous invite sérieusement à faire attention à la politique politicienne, à essayer de mélanger cette passerelle qui n'existe pas, qui n'existera jamais, parce que le terrain est privé, parce que, comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure, si vous n'étiez pas au courant, on vous donne l'information, les recours ont été totalement rejetés. Et on voit bien d'ailleurs, moi je trouve ça assez amusant, que vous êtes sacrément au courant, monsieur Vionnet, beaucoup plus que nous en tout cas, sur le déroulé du recours. C'est à se demander si vous n'étiez pas vous-même derrière l'écran à ce moment-là. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'en fait, vous n'aimez pas Bagnolet. Vous n'aimez pas cette ville. Parce que sur un sujet aussi important et aussi simple, qui est tout simplement la prolongation de la ligne 3 du métro, il suffit de voter oui, banco, on y va, et on ne va pas polémiquer en rajoutant une histoire de passerelle. En fait, ce vœu, il aurait dû être voté en 2 minutes top chrono. Bah ouais. Bon, si je peux répondre. Merci. Effectivement, faites le deuil, respectez l'autorité de la chef jugée, respectez ici les collègues qui sont à côté de vous. À un moment, on n'est pas le cul-de-sac de la ville de Paris, on parle de la ligne 3 et du désenclavement des quartiers du plateau et des Malassis. Notre priorité, c'est ça. Moi, je m'arrêterai là-dessus. Oui, je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'une part le vœu qui est clair et qui porte sur l'itinéraire du futur prolongement de la ligne 3. Donc ce vœu ne doit pas être brouillé par une passerelle. Il y aurait d'autres choses certainement à dire sur le SDRIF. Donc pourquoi ajouter juste cette passerelle ? Donc nous voterons contre cet amendement. En revanche, nous n'avons pas délaissé cette question de la passerelle en lien avec les écologistes parisiens. Et nous avons aussi, évidemment, lu l'avis de l'autorité environnementale portant sur la ZAC Piton-Duvernois, puisque ce sont nos voisins, et il y a effectivement un point, donc moi c'était la recommandation 17 sur 26, donc il y en avait donc au moins 17, il y a un point qui porte sur cette passerelle. Alors c'est très intéressant parce que la formulation a été redite, la passerelle elle part de la rue Serpollet et elle arrive à Bagnolet, sans précision des cheminements. Donc, on est quand même intéressé. Et les Parisiens sont tout aussi intéressés de savoir où ils vont atterrir. Et effectivement, bon, on atterrit dans un ex-magasin de moquettes, mais ça, c'est effectivement la banlieue vue de Paris. Donc, à mon avis, il n'y a pas derrière ce cheminement, qui est clairement le cheminement le plus court, c'est-à-dire l'endroit où le périph' est le plus étroit, il n'y a clairement pas d'études sur les mobilités et les cheminements des Parisiens et des Bagnoletais. À partir de là, qu'est-ce que nous proposons ? Nous proposons deux choses qui ont été déposées dans l'avis PLU sur l'OAP par les écologistes de Paris 20e. La première chose, c'est d'étudier le cheminement de la traversée proposée. En effet, si on observe les mobilités entre Paris 20e et Bagnolet, il y a bien, d'une certaine manière, un besoin de cheminement facilité. D'une part, de Bagnolet vers le tram et plus largement vers Paris, par exemple pour les trajets domicile-travail, et d'autre part, de Paris 20e et donc de la ZAC Piton-Duvernois vers Bagnolet, puisqu'il y a à Bagnolet un centre commercial, une mosquée, des lignes de bus aussi, comme la ligne 351 qui part de Bagnolet et donc peut vers Roissy, donc qui a un intérêt autant pour le travail qu'éventuellement pour le loisir, pour des Parisiens du 20e arrondissement, et enfin le parc des Guilans. Donc il y a effectivement des cheminements. Et il se trouve que les cheminements existants, pour les pratiquer quasi quotidiennement, parce que je suis une piétonne invétérée, il se trouve que ces cheminements sont extrêmement longs. C'est vrai que ça a été conçu pour la voiture, et donc le piéton lui fait monter, descendre, survoler, tout ça dans évidemment un air qui est pollué au-delà des normes de l'OMS, et un paysage où il n'y a que des bretelles d'autoroute. Donc effectivement, il peut y avoir un besoin de passerelles qui partent de cette ZAC et qui soient une passerelle qui permette une trajectoire plus directe et donc qui économise des minutes de marche, qui irait par exemple de la rue des Champeaux, évidemment elle va partir de la rue des Champeaux, mais qui serait dans la trajectoire de la rue des Champeaux, qui doit être une des rues réhabilitées dans l'acte 1 de la du réaménagement du pôle Bagnolet, vers la rue Serpollet, avec des cheminements qui sont à dessiner, puisque de toute façon on aura un parc. Donc on n'est pas bloqué, nous, sur la rue Serpollet. On peut imaginer qu'il y a des détours. Et il y a ce cheminement à étudier, parce qu'effectivement, une traversée facilitée, mais plus directe, parce que ce qui a été dessiné comme ça sur un coin de table, on a l'impression que ça a été fait au café, bon, ça rallonge énormément les cheminements piétons. Ce n'est pas du tout raccourcissant. D'ailleurs, on ne sait pas où ça arrive. La preuve que ce n'est pas un besoin de cheminement. Un besoin de cheminement, on sait où ça arrive. C'est donc ce point-là qui a été défendu par les écologistes de Paris 20 qui ont déposé cet avis et demandé que ce cheminement soit étudié. La deuxième chose, et là, on est hors de la ZAC, Piton du Vernois, effectivement, on passe à la passerelle Lucien Lambeau qui, effectivement, doit être réhabilitée, parce qu'elle est souvent fermée pour des raisons de sécurité, à la fois matérielles et d'usage, qui a un autre usage, parce qu'elle est plus proche de la porte de Montreuil, et elle permet des passages, notamment de Bagnolet, du quartier des Coutures, vers le 20e arrondissement, et là aussi le tram. Donc ça aussi, c'est une demande qui a été comprise et ajoutée dans leur contribution par les écologistes du 20e. Donc oui, il faut continuer à travailler sur le franchissement. Il faut trouver un itinéraire, surtout qui soit techniquement faisable, bien sûr, parce qu'il y a quelques contraintes, mais qui soit pertinent pour les piétons. Et être pertinent dans cette zone-là, ça veut dire qu'ils raccourcissent les trajectoires piétonnes et si possible, effectivement, qu'ils soient un peu jolis, un peu mieux, même si, bon, pour l'instant, il faut se projeter sur 10, 20 ou 30 ans pour avoir un univers qu'on espère un peu plus joyeux pour les piétons à cet endroit de l'échangeur. Merci. Merci, Edith. Merci. Donc, il y a effectivement deux sujets, hein, le sujet du métro et le sujet de l'amendement que vous proposez sur la passerelle. C'est deux choses différentes. Sur le fond, la question de créer des cheminements pour gommer le mur du périphérique et créer des passages entre la capitale et sa banlieue, c'est un réel enjeu d'aménagement du territoire pour porter une politique d'égalité et de mixité sociale. Aujourd'hui, l'on veut favoriser les transports en commun et les modes actifs. Lorsque l'on est piétonne ou piéton, lorsque l'on est cycliste, il est plus coûteux en effort de faire un détour. La création d'une nouvelle passerelle à hauteur de la rue Serpollet serait donc bienvenue. En l'occurrence, il existe aujourd'hui le projet immobilier du côté de Bagnolet qui complique la création de cette passerelle. Le projet et la passerelle sont-ils compatibles? Ça demanderait en tout cas une modification du permis de conduire déjà déposé. C'est peut-être un bien pour un mal, parce que ça obligera à être plus ingénieux et peut-être retravailler mieux les itinéraires, comme le disait Anne de Rugy. Mais vous montrez là la difficulté de l'urbanisme. Le schéma directeur devrait précéder les projets d'aménagement immobilier, mais les intentions urbanistiques évoluent, les différentes versions du SDRIF sont lentes à évoluer, et la pression des projets immobiliers impose une cadence rapide pour l'aménagement des parcelles. On identifie les manques, les angles morts des schémas directeurs initiaux sur le terrain au fil des projets. Je devrais parler aussi du plan local d'urbanisme interne communal ou des règlements de voirie. De la même façon, on identifie après coup les manques ou les contradictions de la réglementation. Le Graal, ce serait l'aménagement dit sans regret, celui qui concilie l'ensemble des qualités attendues. Alors, je choisis le terme de qualité, on parle plus couramment de service, comme si l'aménagement devait asservir les lieux. Oui, c'est un biais des aménagements humains, on les conçoit pour servir la vie humaine, pour améliorer sa condition. C'est la vision de l'homme qui a servi son environnement, qui l'arraisonne, selon Heidegger. Heureusement, la pensée de l'écologie progresse dans la bataille culturelle. On parle maintenant couramment de services écosystémiques, ce qui ouvre une vision moins anthropocentrique. Un aménagement sans recréer signifie nécessairement un aménagement qui est soutenable, qui ne laissera pas un commun négatif, pollution, dépendance à une consommation énergétique incontournable, artificialisation des sols. C'est aussi un aménagement pensé avec le paysage, créateur de liens et de culture humaine. Bref, en soi, tout un art. Non, parce que vous avez eu quand même, ce qui est assez invraisemblable comme phrase, hein, je ne pense m'être jamais permis ce genre de choses, et culot de me dire que je n'aime pas Bagnolet, mais en fait, ce qui sera retenu par un certain nombre de gens, c'est que ceux qui n'aiment pas Bagnolet, c'est ceux qui sacrifient une occasion de liaison piétonne et cyclable bénéficiant aux habitants de cette ville parce qu'ils ont validé un projet immobilier. Et donc de sacrifier cette liaison à un projet immobilier, chacun sera juge de qui aime Bagnolet et qui ne l'aime pas, parce que si cette passerelle, elle est à cet endroit-là, et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, elle a fait l'étude, elle a fait l'objet depuis 20 ans d'études, et ce n'était pas sur un coin de table, les dossiers existent, des services de la ville de Paris, comme l'écrit à l'autorité environnementale, elle est dans les différents scénarios d'aménagement, donc elle a été remise sur le métier dans le cas de la ZAC Piton du Vernois, et si elle est pertinente, d'ailleurs, Madame de Rugy, tout en faisant beaucoup de circonvolutions, vous l'avez dit à un moment, c'est parce qu'elle est à l'endroit où le périphérique est le plus étroit, et où donc un franchissement est le plus facile à réaliser. Elle rallonge les trajectoires piétonnes. Et si elle est là, c'est aussi parce qu'elle est directement, la rue Serpollet, elle a juste un truc, c'est qu'elle amène directement à la station du tram, qu'elle longe un parc et un nouveau complexe nautique, donc elle a cette pertinence-là. Mais donc, très bien, chacun sera juge de qui aime Bagnolet quand il empêche chacun, sciemment écoutez, pour un projet immobilier. Chacun est juge de qui aime Bagnolet, chacun est juge de ce qu'il fait sur les projets immobiliers, chacun est juge de ce que veulent faire certains avenue Gambetta et rue des Lauriettes en matière de projets immobiliers. Si vous voyez ce que je veux dire, monsieur Vionnet, ce n'est pas moi qui parle avec Sogeprom dans le cadre d'un projet immobilier avenue Gambetta qui pourrait avoir des répercussions rue des Lauriettes. Donc à un moment donné, qui n'aime pas Bagnolet, à un moment donné, c'est un mensonge. Ça suffit. C'est ça un mensonge. Suffit. Donc ça vous arrêtez suffit. De raconter des ça mensonges. Suffit. Apportez ça la suffit. Moindre. Je ne savais même pas qu'il y avait une histoire avec ce mensonge. Ça suffit. Ça je suffit. Ne savais. Donc vous racontez, a, vous racontez des mensonges. Et des preuves apportez on a des preuves. Apportez des preuves. Arrêtez de mentir. Écoutez, dès demain, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Monsieur Vionnet, dès demain, donc il y a ça. Il y a Michelet, et donc dès demain, il y a des courriers qui vont partir. OK ? Dès demain, il y a des courriers qui vont partir. Alors après, vous pourrez me donner des leçons de morale sur qui aime Bagnolet, mais qui discute avec les promoteurs, qui favorise quoi ? En tous les cas, c'est pas moi qui essaye de vendre ma baraque, c'est pas moi qui essaye de me positionner. C'est pas moi qui essaye de me positionner vis-à-vis de promoteurs. C'est pas moi qui essaye de me positionner vis-à-vis de promoteurs. C'est pas moi qui essaye de me positionner vis-à-vis de promoteurs avec mes amis qui président des associations dans un quartier de la Duise de Bagnolet. C'est pas moi qui fais ça. C'est pas moi qui écris. Donc, puisque vous voulez jouer à ça, demain, les courriers vont partir. Les courriers vont partir de manière précise et vous en discuterez avec vos amis de la rue Michelet. D'accord ? Donc ça, c'est pour Michelet et après, il y a Gambetta. Donc, Émilie Trigot, je voudrais remercier Merlane qui devait nous quitter et qui patiente. Donc, Émilie, un mot et ensuite, on passe aux voix. Et après, à un moment donné, ça suffit. Les leçons de morale, ça suffit. Et ça suffit surtout vos mensonges. Ouais, ma boîte aux lettres est Monsieur pleine. Monsieur Vionnet, vous n'avez pas la parole. Pleine de lettres vous de n'avez promoteurs. Pas la parole, Monsieur parce Vionnet. Que notamment, Monsieur c'est pas Vionnet, moi qui ai donné plusieurs bah, permis. Monsieur le maire va me la donner dans ce cas-là. Ils savent très bien qu'ils sont les bienvenus par Cédric. Monsieur Vionnet, juste pour faire baisser un peu. Parlez-en à Dakoto. Après. Oui, bah, on voit que tout d'un coup, vous avez compris. Ouais. Et on va passer mais vous, il y aura des courriers, donc vous n'en faites pas, vous aurez toute l'explication bientôt. Et juste en une minute, parce que c'est important de le repréciser pour l'ensemble des élus, et puis aussi pour les citoyens qui peuvent nous écouter, parce que là, pour le coup, vous êtes un expert de l'urbanisme, M. Vionnet, donc vous savez très bien que vous dites à ce moment-là, pour reprendre les propos de M. le maire, n'importe quoi. En fait, nous n'autorisons pas un projet d'urbanisme sur l'ancien terrain de Saint-Maclou. Nous n'autorisons strictement rien. Et vous le savez bien, M. Vionnet. En fait, si vous voulez, il y a un PLUI, vous le savez très bien. Il y a un promoteur privé qui est propriétaire du foncier qui dépose un permis. Ce permis, il est conforme au PLUI ou pas. Il y a une instruction municipale. L'instruction municipale a conclu que le permis était conforme. Après, il y a eu un recours. Le recours a été débouté. Et donc, aujourd'hui, on a un propriétaire foncier à cet endroit-là qui a respecté le PLUI et qui peut mettre en œuvre son permis de construire. Ça s'appelle tout simplement l'état de droit. Émilie Trigo. En 30 secondes, puisque c'était quand même un vœu qui portait, je ne sais plus comment il faut le conjuguer, sur le prolongement de la ligne 3, et le sujet nous semble, ou nous semblait, suffisamment important pour ne pas le diluer dans un autre débat. Effectivement, nous semblait, puisque c'est ce qu'on a fait, passer plus d'une demi-heure à parler d'une passerelle, là où on aurait dû parler du métro. Je le redis, les recours formulés auprès du TA sur le projet Euroéquipement ont tous été déboutés. On ne cherchera donc pas à savoir qui ment dans ce conseil municipal. Au final, nous aurons donc parlé d'une passerelle qui sera très certainement utile aux Parisiens plutôt que du métro tant attendu par les habitants du plateau. Là aussi, on ne cherchera pas à savoir qui aime ou qui n'aime pas les bagnoletaises et les bagnoletais. Pour ce qui est de notre groupe, on votera pour le vœu, on votera contre votre amendement. Je propose de passer aux voix. Qui est pour cet amendement? Non, votre amendement, là, ne se précipitez pas. Ne précipitez pas. Qui est pour l'amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc l'amendement est rejeté. Qui est pour le vœu? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Ah pardon, Solène Le Bourris. Solène Le Bourris, pardon. Moi qui prends la parole. C'est Mohamed, pardon. Pas de souci. Alors là, je vais parler de l'école. Hein. Donc le CG de l'école s'est invité dans le débat public avec la rupture de l'égalité républicaine pour la Seine-Saint-Denis. Le mouvement pour l'éducation en Seine-Saint-Denis est d'une ampleur inégalée depuis bien longtemps. Pour la rentrée prochaine, ce gouvernement prévoit de mettre à mort le collège unique avec sa réforme du choc des savoirs. Une réforme très grave dont le but est le trait social et scolaire décomplexé des enfants. Ils organisent un véritable tri des enfants en répartissant les élèves par groupe de niveau au collège, les faibles, les moyens et les forts. À cela s'ajoutent les fermetures de 208 classes en Seine-Saint-Denis, dont 6 à Bagnolet. Le retrait de 700 millions d'euros du budget de l'éducation nationale et 9 000 emplois supprimés. L'école ne réduit plus les inégalités, elle les creuse. C'est une société où seule une élite pourra bénéficier d'un enseignement de qualité. C'est leur projet de société. Pour nos enfants, c'est une école au rabais, une formation à minima pour répondre aux besoins du patronat et pourquoi pas demain, de chair à canon pour les gars qui nous préparent. Et on sait aussi qu'un élève ayant fait toute sa scolarité dans le département perd en moyenne un an de cours entre la maternelle et le lycée, du fait notamment du non-remplacement des enseignants absents. Devant le mépris du gouvernement, les enseignants, les enseignantes, les parents d'élèves de Saint-Saint-Denis ont engagé un mouvement de grande ampleur depuis le 26 février pour exiger un plan d'urgence pour l'éducation nationale. Une exigence d'égalité pour la jeunesse de notre département, de notre ville, et de moyens pour le service public d'éducation. Avec eux, dénonçons ce mépris, rejetons-le, et soutenons leurs revendications, dont la création de 5000 postes d'enseignants, 2200 postes d'ASH, 650 postes d'AED, 300 postes d'assistants pédagogiques, et 175 postes de CPE, et l'établissement des seuils à 20 élèves par classe maximum. Pour ce qui est des fermetures de classe à Bagnolet, nous devons nous y opposer et défendre leur maintien. Nous ne voulons pas de classe à plus de 30 élèves. Avec les enseignants, les parents d'élèves, nous élus, on peut associer notre député pour porter la voix de Bagnolet au plus haut niveau pour une école publique de la réussite de tous les élèves et contre la fermeture des classes et la suppression de postes. On peut réfléchir à un grand rassemblement des Bagnoletais devant l'inspection académique de Bobigny et demander d'être reçu en délégation pour déposer le vœu et nos revendications. Et soyez nombreux ce samedi à la manifestation avec que les syndicats enseignants organisent à Bagnolet, rendez-vous à 11h devant la place de la mairie, pour leur apporter notre soutien. Merci. Merci des remarques, des interventions. Non, si je peux me permettre, ouais, ce sera très rapide, parce que bon, je trouvais aussi important que je puisse prendre la parole sur la lecture de ce vœu. Je vais citer Stéphane Peu lors de son dernier rapport sur le service public en Seine-Saint-Denis. Quand il parle de l'école, il dit qu'elle ne tient pas sa promesse républicaine, elle ne corrige plus les inégalités de départ, mais au contraire, elle les creuse. En sixième, les élèves du département sont les moins classés en mathématiques et en français. Et alors que les enfants sont en difficulté, ce rapport note qu'il y a trop de contractuels et trop d'enseignants jeunes et inexpérimentés. Aujourd'hui, le gouvernement répond par une réforme, notamment avec la classe de niveau. Ça ne va faire que renforcer ces inégalités. Et d'autres réformes encore vont placer la Seine-Saint-Denis parmi les derniers. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment comme il a été proposé de rémunérer les étudiants jusqu'au master, donc de la licence jusqu'au master, avec un engagement de 10 ans dans le département de la Seine-Saint-Denis. Beaucoup de choses, en fait, sont faisables, ne sont pas forcément chères, mais en tout cas, encore une fois, on est les plus mal dotés. Et je voudrais aussi rendre hommage, parce qu'on a tendance à parler des enseignants et des parents d'élèves, mais en fait, il s'agit d'une communauté éducative. Et je voudrais quand même rendre hommage aussi à ces parents d'élèves qui se mobilisent fortement en compagnie des enseignants. Et on le voit, et je pense que là, ils sont très décidés, en fait, à aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est très important, mais vraiment, j'insiste, que la présence, nous, élus, soyons solidaires à ce mouvement et qu'on dénonce ces inégalités. Donc, j'espère que nous serons très présents à la manifestation du samedi 9 mars. Enfin, oui, c'est après-demain. Voilà, je vous remercie. Un petit mot en complément sur la mobilisation. La demande, c'est justice et égalité. Donc, on sera, je l'imagine, nombreuses et nombreux samedi matin. Au final, le triptyque, c'est tri des élèves, marchandisation des savoirs et des engagements de l'État qui, finalement, sont une continuité, puisque là, on a les groupes de niveau au collège, on a Parcoursup au lycée et la floraison à un rythme effréné des formations privées dans le supérieur. Un élément quand même sur les fermetures de classe à Bagnolet, on l'a écrit dans notre tribune du mensuel municipal, il va y en avoir, pas 6, 5. Il y a une baisse de population scolaire, mais c'est trop de toute façon, et il y aura deux ouvertures, pour qu'on ait les éléments précis. Ça n'empêche pas de se mobiliser, ça n'empêche pas d'accompagner la communauté éducative et les parents qui sont les premiers mobilisés, puisque, il faut le redire une dernière fois, 700 millions d'euros d'annulation de crédit pour l'éducation, c'est gigantesque. C'est à peu près 4000 postes d'enseignants. On a parlé de tous les postes d'AESH en plus. Donc, samedi, il ne faut pas manquer l'appel. Jean-Claude. Oui, merci pour ce vœu, bien entendu, que nous voterons. Il y a ce mouvement qui est tout à fait primordial, qui se passe en ce moment, qui est primordial pour l'avenir de nos enfants, qui est primordial pour l'avenir, de tous les habitants de la Seine-Saint-Denis. Donc, bien sûr, on sera à ce rendez-vous demain matin, comme on est pleinement déjà dans ce mouvement. Il y a eu une très belle assemblée générale dans la semaine, en début de semaine, à la salle Pierre et Marie Curie. Je pense qu'il y aura des réunions. Je pense qu'il faut encore élargir ce mouvement. Il faut organiser des réunions dans les écoles pour partager les informations, pour partager le débat, notamment avec les parents, parce que les parents dans les collèges, ils sont quand même assez éloignés. Là, c'est surtout, ça s'appuie surtout sur les profs et les parents des collèges. Mais dans les écoles, les parents sont plus présents. Donc, il s'agit de multiplier l'information et les débats dans toutes les écoles. Il y a ce rendez-vous, bien entendu, demain matin. Il y a un autre rendez-vous qui est prévu la semaine prochaine à l'inspection d'académie. Donc, peut-être c'est à ce moment-là qu'il faut aller, qui est départemental. Donc, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut aller avec les autres à l'inspection d'académie. Et je voudrais noter qu'il semble y avoir un premier recul. Ce mouvement est quand même très fort, très suivi en Seine-Saint-Denis. Il semble y avoir un premier recul. La ministre de l'Éducation explique maintenant que finalement, l'histoire des groupes de niveau sera plus forcément obligatoire. Donc voilà, on voit les discours qui changent, c'est quand même signe de quelque chose. On sait d'ailleurs que ces histoires de groupes de niveau, l'enseignement privé en était déjà exonéré. Il y avait des négociations entre les directeurs de l'enseignement privé et le ministre de l'Éducation sur le fait de ne pas appliquer ça à l'enseignement privé. Donc c'est tout à fait inadmissible. Moi, je crois qu'il faut qu'on continue, qu'on donne tout le souffle, tout ce qu'on peut à ce mouvement. Et comme ça, on va gagner, on peut gagner sur toute la ligne. Émilie Trigo. Oui, merci Mohamed, merci Solène pour le vœu et pour les explications que vous en avez faites. En un mot et demi, mais vous aurez compris qu'évidemment on le soutient et qu'on le votera. Nous sommes dans un département où il y a un certain nombre d'écoles en REP. On peut considérer que le dédoublement des grandes sections CPCE1 était une bonne initiative. Et puis on se retrouve face à des situations vécues il n'y a pas si longtemps que ça et vécues par certains autour de cette table, avec donc des élèves dans des quartiers qui ont plus besoin que d'autres d'avoir des enseignants et qui du coup n'ont pas de remplaçants, puisque tous les personnels ont été affectés dans les dédoublements, et comme on ne recrute pas et qu'on supprime des postes, on n'a plus personne. Donc oui, évidemment, ça c'était le début. Quant à la suite sur les groupes de niveau, vous avez tout dit, nous partageons, nous voterons votre vœu. Merci.